notre petit groupe part maintenant à la recherche de Fernex. Et le retrouve finalement dans son mal terré dans un trou. Et ils vont vite comprendre pourquoi. La voilà. La voilà la terrible menace qui pèse sur Lucatoré et toute la région. C'est un immense psychokinésiste. Un vrai monstre tout droit sorti d'un cauchemar. Ils réussissent à se cacher de lui grâce aux connaissances du chasseur. Mais réalisent l'ampleur de la menace. Il faut de l'aide. Il faut prévenir les Helvétiques. Ils décident donc de retourner à Lucatoré, mais en chemin, ils tombent sur un camp de Romanos dirigé par un Papa Chico. Mais ils ont la surprise d'y voir Neva, l'émissaire de fer. Après un combat âpre et incendiaire où Neva réussit à s'enfuir, la vérité éclate. Elle a commandité l'assassinat d'Altaïr. Le temps presse. Il faut prévenir tout le monde. Il en va de la vie de tous les citoyens de Lucatoré et des gens de la région. Flux, Jacquard, Mokosh et Torik. Cela va faire plusieurs heures que vous avez quitté la forêt. Vous arrivez devant Lucatoré. Vous avez dû contourner la ville et enlonger plusieurs sentiers. Étrangement, il n'y a pas de garde cette fois-ci qui vous barre la route. Vous faites vos premiers pas dans la ville. Un silence de mort y règne. Visiblement, le soleil ne va pas tarder à se coucher. Pas encore. Soudain, la porte de la maison des émissaires s'ouvre. Et vous voyez la silhouette de Dana apparaître. Elle vous fait de grands signes. Alors que vous vous approchez d'elle, vous l'entendez qui s'exclame. Vous êtes en vie! Dieu merci. Alors, vous avez eu des nouvelles de ce vieux Fernex? Oui, il est en vie. Pas pour l'instant. Oui. Ah. Mais... Pour combien de temps? Pour rappel, la maison des émissaires se trouve juste à l'entrée de la ville. Et à ce moment-là, Dana s'approche un peu plus de vous et vous fait... Et si la situation devient de plus en plus tendue, Skiroko et ses adeptes ont envahi la place centrale de la ville. Et il passe ses journées à parler et à déblatérer ses préceptes. L'hospitalier est venu me voir aussi ce matin. Il se trouve au niveau des entrepôts frigorifiques. À ce moment-là, il vous pointe du doigt... Les bâtiments juste en face de vous. Vous pouvez le voir sur la carte de la ville. Les entrepôts frigorifiques se trouvent à l'extérieur de cette dernière. Parle vite, la ville est en danger. Nous devons avertir les plus hautes instances au plus vite. Effectivement. Vous vous dirigez donc vers les entrepôts frigorifiques. Et vous voyez Carmino Ferro, l'hospitalier qui vous ouvre les portes. Alors mes amis, venez voir, j'ai quelque chose à vous montrer. Vous le suivez, vous rentrez à l'intérieur du bâtiment. Au centre de la pièce, allongé sur une table complètement éviscérée, vous voyez le cadavre du vieil homme que vous aviez trouvé dans la vieille chapelle. Ce dernier, pour rappel, avait été complètement vidé de son sang. Et Carmino s'approche. Soulève un peu son bras et vous montre notamment à toi Torik l'intérieur du cadavre. Venez voir et dites-moi ce que vous en concluez. Mais du coup, qu'est-ce que je vois à l'intérieur? Parce que t'approche. Je vais te demander de... Moi, j'aimerais bien m'approcher pour voir comment il opère l'hospitalier. Très bien. Du coup, je vais te demander un jet de médecine avec une difficulté de 3. Si ça n'a pas changé, c'est toujours 8. On va essayer, hein. Alors, 4 réussites, dont un déclencheur. Tu aperçois une espèce d'excroissance blanche qui se répand des poumons jusqu'au larynx. Carmino, lui, s'approche de toi, te fait un regard complice et te dit « Il a été dévoré par la brûlure. » Pourtant, et à ce moment-là, il retourne au niveau du bras qu'il avait soulevé précédemment, aucune trace de stigmate. Ce constat est sans précédent et je dois bien avouer qu'il ne possède absolument aucun sens. En effet. De plus, ni mon mollusque ni le vôtre n'ont réagi. Ce qui me paraît peu probable. Compte tenu de du stade avancé de sporulation de cet homme. Il y a quelque chose qui cloche. Oui, en effet. Mais bon, nous n'avons pas une minute à perdre. Qu'avez-vous découvert dans la forêt? Est-ce que vous avez retrouvé le vieux chasseur? Effectivement, nous l'avons retrouvé et nous avons trouvé bien plus que ça et c'est bien ça le problème. Nous avons croisé la route d'un psychokinésiste. Une espèce extrêmement dangereuse. Je n'avais jamais eu affaire à ça avant et je dois dire... Vous l'avez vu de vos propres yeux? Je l'ai vu. À ce moment-là, il se retourne vers toi, Jacquard. À quoi ressemblait-il? C'est immonde. On dirait un espèce d'immense tas de gras en putréfaction qui se promène sans réel visage. Apparemment, d'après Fernex, il pourrait détruire la ville très facilement et lever des armées entières de... nuées. Je ne sais pas vraiment comment vous avez appelé ce qui nous a attaqué dans la forêt... Ok, très bien. Hospitalier. Vous voyez à ce moment-là qu'il se dirige d'un pas précipité vers l'arrière de la salle. Il ouvre une petite porte et lance un appel. Toi là, viens! Quelques instants plus tard, vous voyez la silhouette d'une jeune recrue d'à peine 13 ans, 14 au maximum, qui rentre dans la pièce. Je vous présente Stenson. Écoutez, la situation m'a l'air relativement grave. Je vous propose qu'on l'envoie donner un message aux Helvétiques. Il se trouve dans la forteresse, mais il devrait y être en moins d'une journée s'il fait vite. Il faut les prévenir, on a besoin de leur soutien. On n'a aucune chance face à cette créature sans eux. Oui, c'est ce que je crois aussi. Très bien. Ok, suivez-moi. À ce moment-là, pareil, encore d'un pas très précipité, il se dirige vers la sortie de la salle. Vous le suivez jusqu'aux écuries. Il charge un cheval, il met la selle et il fait monter la recrue. Il écrit très brièvement un texte sur une feuille de papier et il lui tend. C'est une manière de plus pour vous de constater que Carmino Ferro est clairement quelqu'un de relativement éduqué. Il y a peu de monde qui savent lire et encore moins écrire de nos jours. Le cheval commence à partir. Et Carmino vous regarde. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Il faut faire évacuer la ville. Et on bute la fille, la femme de... C'est peut-être un peu... Non, disons que... Elle a assassiné quelqu'un, justice doit être rendue. Sur le retour, quand nous sommes revenus, nous avons croisé la route d'une bande de brigands, si je puis dire, qui étaient à la solde... c'était des Romanos qui étaient à la solde de la... Dame de Fer, je ne sais plus comment... L'émissaire de fer, voilà. Et en fait, nous avons appris que c'était elle qui avait fait assassiner Altaïr. En engageant la pire vermine qui soit. En engageant les Romanos. Vous comprenez que les accusations que vous êtes en train de porter sont extrêmement graves. Non, mais elles le sont. Mais on a le témoin. Il suffit d'aller à l'entrée de la ville. Ok, c'est plus grave que ce que je pensais. Vous trouverez tous mais les cadavres. Mais je dois malheureusement avouer que cela n'est pas plus que ça. Comme vous le savez sans doute, Altaïr avait quelque chose à me dire le jour de son meurtre. Il était censé me rendre visite à l'infirmerie. À l'est. Malheureusement, son meurtre aura empêché tout contact. Quelque chose d'urgent, disait-il, dans son message. Je pense que ça devait forcément avoir un rapport avec le psychokinésiste. Ouais. De près ou de loin, sans aucun doute. Est-ce maintenant, que... j'ai du mal à voir Neva condamner sa propre ville à la destruction si elle était au courant de ce qui était en train de se tramer. Cela aura fait longtemps qu'elle aurait déserté. Et au moment où Carmino termine sa phrase, vous entendez un bruit sourd, foudroyant, en provenance de l'ouest, de la route d'Eden. Vous tournez brièvement la tête et vous apercevez d'étranges filaments lumineux entourer la route et la carcasse du cheval grillé tombé au sol. Vous semblez distinguer comme un champ de force ou une étrange matière transparente qui petit à petit devient de plus en plus absente. Et c'est comme ça qu'elle s'éteint au loin. C'est comme si on avait enfermé la ville dans une étrange toile d'araignée. Dans tous les cas, une chose est sûre, la recrue ne parviendra jamais à la forteresse. Que faites-vous ? Est-ce que nous n'avons pas moyen de contacter via la radio Flux les Helvéti pour leur rendre compte de ce qui se passe ici ? Mais pourrait-on pas appeler plutôt l'hôpital ? Vous avez vu autant moins que les hospitaliers, enfin... L'hôpital mettrait trop de temps à arriver ici. Ce sont les plus près. Mais vous avez vu ? Les Helvétiques sont corrompus. Ils laissent passer la drogue et se l'accaparent. Non. Qu'importe. C'est pas ça qui compte aujourd'hui. Je pense que je peux essayer de les contacter. Il faut juste que je sache quelle fréquence. Avez-vous une idée ? Je dois avouer que moi, de mon côté, j'y connais pas grand-chose. Si vous avez moyen d'utiliser une radio, n'hésitez pas, allez-y. Écoutez, je vais tenter de rassembler quelques hommes relativement fiables en ville. Si Neva est contre nous, alors il va nous falloir jouer intelligemment. Est-ce que vous pourriez aussi faire quelque chose pour moi ? Je vais tenter d'aller voir quelques hautes sphères des Anabaptistes, tandis que vous pourriez vous rendre voir le vieux Bene Sato. Il me semble que vous l'ayez déjà rencontré auparavant. Tout à fait, oui. Carmino ? Carmelo, oui. Nous avons avec nous le chef des Romano qui ont attenté, enfin qui ont tué Altaïr. Il est encore vivant. Emmène-le avec toi chez les Anabaptistes. Il parlera même sous la contrainte et il avouera tout. Ce qui va discréditer la jeune femme. Je vous fais confiance. À ce moment-là, tu vois qu'il pose sa main sur ton épaule. Merci, mon ami. Et sur ce pas, il commence à repartir dans la direction opposée à la vôtre. De votre côté, du coup, de ce que j'ai compris, vous voulez tenter d'utiliser la radio. Ouais. On va commencer par la radio. C'est dans cette ville, non ? Il y a un type qui nous a proposé la radio. C'est dans cette ville. C'est moi qui ai la radio. Ouais. Oui, on pourrait peut-être retrouver ce ferrailleur qui nous avait... que tu avais aidé. Je peux t'aider, hein. Il n'y a pas de soucis. Hein. Bah vas-y, marche. Eh bien, allez, va le trouver et demande-lui de ramener tous ses alliés. Ah, mais... En effet, votre ami Ferrailleur, c'était Custus Flux avait réussi à impressionner de par sa stature de chroniqueur. Tout à fait. Vous dirigez donc d'un seul pas en direction de la maison de Custus. Que je vérifie pour pas dire de bêtises. Oui. Donc la forge de Custus, elle également, se trouve à l'extérieur de la ville. Vous êtes donc obligé de contourner la muraille principale. Alors que vous marchez, vous semblez entendre d'étranges échos en provenance du marché. Malheureusement, vous ne pouvez pas voir ce qui s'y passe, mais comme si des voix portaient plus haut que d'autres. Elle ressemble à celle de Scirocco. Cette manière si idyllique et idolâtre de s'exprimer à la foule, de tenter de capter leur attention et de leur ordonner de se méfier des anabaptistes. Oui, c'est lui, il n'y a aucun doute. Visiblement, son armée s'est réunie sur la place principale. Vous entendez des échos, des bruits, des cris. Mais pour l'heure, tout ce qui compte, c'est la forge. Vous arrivez à proximité de cette dernière. Elle semble fermée. Fermée, genre juste fermée. Genre on peut ouvrir. Juste fermée. Oui, Fermée. Parce qu'on est. Ah, à clé. Bah, je vais toquer. Je vais toquer très fort. Tu toques à la porte. Violemment. Aucune réponse. Tu peux me rappeler le nom du ferrailleur? Je suis désolé. Custus. Pardon? Custus. Custus, ok. Custus! C'est moi, j'ai besoin de toi. Tu parles. Aucune réponse. Custus? Custus! Tu restes là 5 bonnes minutes, 10 minutes peut-être, et toujours aucune réponse. Peut-être pas 10 minutes parce que c'est mon passion. Spécialement résistante. Vous pourriez tenter de l'enfoncer si vous le souhaitez. Bah, en fait, c'est ce que je voulais proposer. En fait, en voyant au bout de 5 minutes qu'il répond pas, je voulais me tourner vers mes amis et tout simplement proposer. Mon coche, à toi de jouer. Attends, je vais faire un levier avec mon marteau, je vais faire sortir la porte de ses. Et toi aussi, tu peux y aller, Jacquard. Très bien. Faites-vous plaisir. Jacquard, je vais s'approcher de l'encadrure de la porte et avec ton marteau, tu tentes de faire levier. Ouais. Je vais te demander. Histoire de pas lui péter sa porte, quoi, ce serait sympathique. Je vais tout à fait. Je te remercie pour ça. Un G de. Body, force. Alors. Body 3 et force, strength. Non, c'est quoi force? Ah, c'est force. Oui. Ok. Avec une difficulté de 2. T'as combien en force? Alors, full réussite. Ah non, 1. J'en ai 4 réussites. Très bien. D'un mouvement solide et lourd, tu arrives à sortir la porte de Ségon. Vous voyez qu'elle tombe au sol et, dans une volée de poussière, vous laisse apercevoir l'entrée du bâtiment complètement désert. Il n'y a plus le moindre tas de ferraille entreposé sur les tables. Oh, c'est barré. Je vais courir vers l'arrière-salle pour voir s'il y a toujours la radio. Tu cours en direction de l'arrière-salle et même constat. Elle est complètement déserte. Est-ce que... Mais... Lui serait-il arrivé quelque chose? Pourquoi le destin s'acharne-t-il contre vous ainsi? Tout est vide, les gars. Il s'est barré. Il y a des trois malédictions actuellement à l'œuvre. Malheureusement pour vous. Nous devons nous débrouiller seuls. Ni de Custus, ni de sa précieuse radio. On a qu'un moyen de contacter les Helvétiques, du coup. Si on pouvait peut-être remettre la main sur son chroniqueur, peut-être que lui aurait une radio à disponibilité, mais... Ouais, mais c'est chaud à trouver un chroniqueur. Il nous mais a arrêtez trouvé une mission officielle. Hein. Nous il pouvons compter trouvé, sur personne, oui. Vous le savez très bien, il faut trouver l'émissaire de Ferré vite. Il nous a on bien trouvé, nous. Sur un chroniqueur. Et je pense que le moment est à l'urgence. On n'a pas cherché à être discret, nous. Mais vous avez vu ce qui se passe avec Spirocco en ville. Les anabaptistes sont débordés, les clans vont s'entretuer. Nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes. Nous devons vite régler la situation tout seul. On peut compter sur un chroniqueur. Oui, mais on ne peut pas. Nous ne pouvons pas tous les quatre venir à bout de ce genre de phénomène. C'est impossible. Il faut intelligent. Il faut qu'on essaie d'avoir des coups d'avance. Il nous faut des alliés. De toute façon, ils nous ont dit d'aller voir Benessato. Je propose qu'on aille voir d'abord Benessato avant de chercher ce chroniqueur. C'est le plus important. Tout à fait. Je suis d'accord avec toi. Que faites-vous donc? Bah, je pense qu'on va aller voir Benessato si tout le monde est d'accord. On va voir les sauvages. Très bien. Les sauvages. Sauvages. Sauvages, oui. Ok. Vous retournez donc jusque dans la ville. Encore une fois, les portes ne sont pas gardées et vous vous dirigez en direction de la place du marché. Vous pouvez en effet voir sur votre plan que Benesato habite juste en face. Plus vous vous rapprochez, plus vous entendez la foule beugler au loin. Vous entendez cette espèce de haine qui émerge ainsi des bouches des citoyens de Lucatore. Vous croisez des gens jeter des pavés contre des vitres. D'autres qui proclament leur colère tandis que des orgastiques tentent de calmer le jeu. Encore une fois, au loin, vous entendez la voix de Skiroko qui couvre celle des autres. Vous songez donc à passer par de petites ruelles, essayer de contourner la foule. Dans l'une d'entre elles, vous entendez quelques cris. Merde. Comme si quelqu'un était actuellement en train de se faire agresser. De la maison Benesato. Je me précipite. Moi, ce que je veux savoir, c'est si je reconnaissais la voix. Parce que vu les conditions, ça m'étonne pas que ça commence à partir en couille. Il faut savoir quand est-ce qu'on doit intervenir en urgence ou pas. Du coup, est-ce qu'il y a moyen que je sache Tu veux reconnaître la voix mais familière. La personne qui crie. Ouais, voir si c'est une voix que je connais même un peu de loin. Fais-moi un jet de perception avec une difficulté de 4. Alors, pas de soucis, alors attends. Je regarde du coup ma fiche. Tu m'as dit... Pendant ce temps-là, j'ai commencé à avancer. Perception avec une difficulté de 4. J'ai commencé à avancer, moi, en cours. Moi, je suis doré. C'est un échec. Parce que... Oui, pareil. Parce que j'ai côté. Attends, des gens qui... Donc, des gens qui sont en train de commettre une atteinte à l'ordre public, je ne peux pas laisser faire ça. Tu vas quand même jeter des 3 dés. Oui, oui, tout à fait, je l'ai jeté, mais de base, je sais que c'est un échec. Quoi. Si tu me faisais 3-6, je l'accepterais. Hein. Bon, malheureusement, c'est que 2 réussites sans déclencheur. Très bien. En effet, malheureusement, tu n'arrives pas à reconnaître la voix, et tandis que tu tentes de te concentrer, Torik, lui, a déjà foncé en direction des cris. Torik, alors que tu rentres dans la ruelle... Pardon, oui, tu voulais dire quelque chose? Moi mais ils me suivent, en fait. Torik, c'est mon patron, alors je le fais. Ok, bien sûr. Alors que tu rentres dans la ruelle, tu es au premier abord perturbé par le bruit du sang, ce ploc-ploc sous tes pas. Et tu aperçois la silhouette de deux hommes, deux clanistes au sol en train de se faire rouer de coups par deux anabaptistes. Mais tu les connais. Les deux hommes au sol sont ceux qui gardaient justement la maison Benesato, ceux qui s'étaient fait agresser au bar. Et les anabaptistes au-dessus d'eux sont ceux que vous aviez croisés alors qu'ils gardaient le cloître. L'un d'entre eux relève la tête vers toi, Torik. Dégagez, c'est pas vos affaires. J'ai arrêté ça tout de suite. Il se passe des choses bien plus importantes que vous ne pourriez imaginer. Ce n'est pas le moment. Vous voyez bien qu'il souffre. Ça ne sert à rien de partir là-dedans, il y a des choses beaucoup plus importantes. Un grand danger menace cette ville et nous devons être le plus nombreux possible. Oui, c'est eux qui l'ont fait rentrer ici. Non, ils doivent payer pour leur trahison. Ce ne sont pas eux. Nous avons vu ce qui s'est passé vraiment. Et nous savons qui est probablement la responsable de ce qui se passe ici même. Les fiers d'eux. Le charisme, leadership s'il te plaît. Ouais. Charisme et leadership. Ouh, on va rigoler. Une réussite. Tu vois l'un d'entre eux qui commence à s'immobiliser. Il lâche l'homme qui possédait au sol. Tu vois son visage ensanglanté tomber contre les pavés. Sa main commence à s'approcher de l'arme qui est à sa ceinture. Il ne s'en empare pas mais semble sur ses gardes. Si vous vous en prenez à nous, que vous tentez de vous y opposer, vous déclarerez la guerre aux anabaptistes en général. Écoutez d'abord ce pour que j'ai à dire. Fois, passez votre chemin. Ah, écoutez d'abord ce que j'ai à dire. Oui, si c'est mon coach qui attaque. Non, mais. Si est-ce qu'il m'écoute ? Ils n'ont pas le temps de le dire aux autres. Est-ce qu'il m'écoute ? Est-ce qu'il m'écoute, au moins ? Malheureusement, non, tu vois qu'il perd du temps là. Ton attention tout à l'heure, alors que tu tentais de leur expliquer qu'un danger plus grave. Je le crie alors, en même temps, je dis. Nous connaissons ceux qui ont tué Altaïr et nous avons les preuves pour ça. Vous mentez, vous seriez prêt à dire n'importe quoi pour vous sauver. Non, nous avons les et preuves. Pour sauver ces traîtres, vous êtes avec eux, nous vous avons vu rentrer dans la maison de Benesato. Il faut sauver cette ville. Il cette pose ville. Sa main sur le plat de sa lame. Et d'un mouvement du doigt commence à la sortir légèrement du fourreau. Bon, Toric, soit on va directement au... Oui, là, tu es en train de nous attirer des ennuis. Soit on les flingue, c'est tout. Passez votre chemin. Je, à contre-cœur, je vais... De toute façon, il faut qu'on aille chez les Bene Sato, là, de toute façon. La maison Bene Sato est juste derrière vous. Vous pourriez en effet contourner par une ruelle annexe et sans doute atterrir au niveau du bâtiment. Alors que si on passe à travers eux, on est direct dedans. Oui, mais en soi, c'est pas tant le fait d'arriver au bâtiment qui est problématique, mais plus que la situation qui se livre à vous... actuellement. Bon, à contre-cœur, je prends le chemin à rallonger pour... parce que c'est pas le moment de se battre en plus. Vous décidez donc tous de prendre le chemin allongé? Ouais, bah, oui. Pourquoi? Bah on prend le chemin court. Ils nous bloquent le chemin court. Ils vont oui. Si on passe par le chemin court, il faut se taper. Bon bah bravo Toric, hein, tu nous fais chier, hein. Putain. Non, de toute façon, clairement, ils ne savent pas laisser passer. Ça n'a aucun rapport, ils sont sur le chemin. Mais c'est lui qui les a provoqués, là. Mais alors, on les a pas provoqués, de toute façon, on a rapproché, ça tapait. Tu peux pas passer à côté des gens en train de tabasser. Bon, bref, allons-y. Je passe. Faites la gaffe. Ouais, bah alors, ça se voit que t'habites pas justicienne, toi. Frappez-le. Ouais, déjà, justicienne, c'est moi qui tabasse les gens. Comment ça? Ah bah elle est belle la justice, la justicienne. Bravo. Vous demandez bravo. D'accord, vous passez le chemin. Juste pour oui. Très bien. Oui. Passez votre chemin. Jacquard, au moment où tu quittes la ruelle, vu que tu es visiblement celui qui ferme la marche, tu aperçois l'un d'entre eux s'emparer à nouveau de l'homme qui était au sol. Plus rien ne pourra le protéger désormais. Vous arrivez jusque devant la grande maison. Vous voyez une petite porte sur l'un des côtés que vous pourriez emprunter pour rentrer. On va rentrer. Bah rentre. Hein. Si. Hein. Oui, on rentre. Vous vous y glissez et arrivez dans le hall principal. Vous y découvrez le sol taché de sang. Plusieurs soldats anabaptistes sont là, gisants. Vous voyez au-dessus d'eux des hommes que vous ne semblez jamais avoir vus. Ils sont habillés étrangement. Il s'agit là clairement de clanistes. Ils se retournent vers vous, d'un seul coup, en s'emparent de leurs armes, commencent à se rapprocher, jusqu'à ce qu'une voix les interrompe dans leur action. C'est celle de Gala Lombardi, vous la voyez juste au niveau de la petite mezzanine qui apparaît. « Attendez, ils sont avec nous !» dit-elle en vous pointant. « Excusez-les, ce sont mes gardes personnels. Les anabaptistes sont tentés de s'en prendre à nous. Vous devez nous aider à quitter la ville. » On n'est pas venu pour quitter la ville. Fuir la ville est impossible. Fuir la ville, oui, exactement. Qu'est-ce que nous pouvons faire alors? Nous avons trouvé qui a tué Bene Sato. Non, Bene Sato. Qui a tué Altaïr. qui a tué Altaïr, pardon. Justement, à ce moment-là, vous voyez le vieux Bene Sato. Quoi, qui m'a tué? Dites-moi. Dites-moi qui a tué mon frère. L'émissaire de fer, Neva. Ce serpent. Mais la ville est en danger. Un nouveau mode de Genesis a été aperçu aux abords. Un psychokinésiste. Alors c'est que le flagellant doit avoir raison. Nous sommes perdus. Quoi? Comment ça on est perdu? Bien sûr. Dites-moi, on n'est pas perdu. Est-ce que. Parmi vous, vous seriez au courant que si quelqu'un a ou possède une radio. Une radio, non, pourquoi faire? Pour appeler les Helvétiques. Les Helvétiques? Il me semble qu'à l'intérieur de la forteresse, enfin, de l'intérieur du cloître, se trouve une balise de détresse. Maintenant, elle doit être en position de Neva. Il faut aller la chercher, c'est notre seule façon de pouvoir s'en sortir. Nous n'avons pas aujourd'hui et maintenant les possibilités de battre ce psychokinésiste. La foule de Scirocco risque de vous bloquer. Voulez-vous que nous ordonnions à nos hommes de vous dégager le chemin au risque de déclencher une émeute? Même si visiblement cela est inévitable, dit-il en s'approchant de la fenêtre. L'émeute est déjà plus ou moins en cours. Vos gars à l'extérieur, on n'a pas pu les sauver, malheureusement. Les gens sont paniqués et s'en prennent les uns envers les autres. Oui, déjà la situation ne sert à rien, nous devons agir, et vite. Essayons de profiter du bordel dehors et nous faire un chemin vers le cloître. Très bien. Je vais vous accompagner jusqu'au cloître. Je tuerai cette traîtresse moi-même. C'est tout ce qu'elle mérite pour ce qu'elle a fait à mon frère. Si je puis me permettre, comment... savez-vous qu'il s'agit là de son fait, bien que je n'en mette pas en question votre parole. Il s'agit juste là d'une précaution, voyez-vous. On a trouvé les témoins de la pire espèce. Des apocalyptiques qu'elle avait engagés pour faire la sale besogne. Non, ce sont des Romanos. Oui, bah c'est des apocalyptiques. Romanos apocalyptiques, en effet, il y a peu de différence. Les Romanos, c'est juste nous donner de grands airs. Je ne peux pas me dire que ces apocalyptiques c'est ressemblent bizarre, à... je n'avais même pas entendu parler. C'est que je connais. Le fait qu'il y avait des Romanos dans la région. Ok, allons-y. Et vous voyez, à ces mots, il descend les marches en compagnie de sa femme et commence à s'approcher de la grande porte. Les hommes de Gala l'ouvrent et s'offrent à vous un triste spectacle. Toute la foule réunie au niveau de la place du marché, en train de saccager les étals. Sur une espèce d'estrade, vous voyez Scirocco et ses hommes réunis en cercle. Il est là, debout. Ses bras sont posés en croix et il parle, vous l'entendez déblatérer. Oh mes amis, la fin est proche comme nous l'avions tous prévu. Rebellez-vous contre les Anabaptistes, ils vous ont trahi. Votre âme appartient désormais au démiurge. Tout est perdu. Nous n'avons plus aucune chance. Le cloître s'est moqué de vous. Tandis qu'il parle, des Anabaptistes commencent à essayer de retenir la foule. L'émeute n'est pas encore présente, mais les tensions commencent à monter très rapidement. Vous pouvez tenter de vous faufiler à travers la foule si vous le souhaitez. Dans ce cas-là, je vous demanderai juste un jet d'agilité et mobilité. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire d'y aller discrètement, non? Pardon? Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Je sais pas ce qu'en pensent les autres. Oui, faisons. Dire ce que vous voulez faire. Faisons. Oh, je pense pas qu'au peu de personnes que nous sommes, nous pouvons contrôler une foule complètement paniquée. Ouais. On n'y arriverait pas. Par contre, je pense qu'on a l'avantage du fait qu'elle soit occupée à paniquer. Pour essayer de passer discrètement. Discrètement, c'est-à-dire en courant et en découpant aussi. Non, sans le découpage. Si ça se met devant, pas volontairement, mais si ça se met devant, faut bien passer. Moi. Ouais. Non, tu fais des. Oh, un monstre! Regardez là! Bon, allez. Du coup. Non, c'est agilité, mobilité. Exactement. Avec une difficulté de 3. Oh! Pff. Agilité, t'as dit? Agilité, mobilité. Je fais 2 réussites. Putain, tu fais chier. On va tous mourir à cause de toi. Non, sur 4 dés. Vu qu'on est en groupe. T'avais dit combien? Réussite? 3. 3. 3. Donc 3 est une réussite? Oui. 3 réussites est une réussite. Oui, 3 réussites. Mais 4. Non, pas 12 dés, pas 12 dés, arrêtez. 12 dés, Charles. 12 dés. En fait, c'est ici, c'est théorique. Hein. Le mec est pas censé être trop visible. C'est-à-dire que moi, je suis plus discret. Bah, théorique, il est en blanc. C'est ça, vous commencez théoriquement à tenter de vous faufiler à travers la foule. Vous essayez de contourner comme vous pouvez. Tandis que les hommes de Gala Lombardie disparaissent à l'intérieur de cette dernière. Et alors que vous vous approchez tant bien que mal au niveau de la ceinture créée par les orgiastiques, vous remarquez que Torik n'est plus avec vous. Il a été emporté par le mouvement, il est là, quelques mètres derrière. Il lutte à contre-courant de la foule qui commence à s'amasser de plus en plus autour de l'estrade. Vous voyez que l'un des fureurs monte sur cette dernière et coupe la parole à Scirocco. Non, ne l'écoutez pas! Il se place lui également avec cette espèce de position de croix, comme s'il s'opposait au précepteur qui se trouvait juste avant lui. Il vous ment! Nous n'avons pas vendu votre âme au Démiurge. Nous ne vous avons pas abandonné. Écoutez-nous, ayez foi. Seule la foi pourra nous permettre de vaincre. Nous sommes faibles. Notre chef, notre père nous a été enlevé, mais nous devons rebondir. Pour lui, en sa mémoire, en son honneur. À ce moment-là, vous voyez certaines personnes commencer à lui jeter différents projectiles. Des fruits et des légumes qui étaient posés au niveau du marché. D'autres, des choses un peu plus violentes. Il se prend d'ailleurs une espèce de pierre au niveau du visage. Il pose sa main rapidement et vous voyez du sang qui commence à couler. Alors, il s'empare de l'une des torches qui se trouvait juste à côté de lui et commence à la brandir. Comme je l'avais dit un peu plus tôt, la nuit commence à tomber tout doucement. Et les flammes semblent faire reculer les plus imprudents. À ce moment-là, vous voyez les disciples de Scirocco s'approcher et monter sur l'estrade en tirant une femme. Elle est là, elle pleure, elle essaie de s'agripper au sol comme elle le peut. Et Scirocco, à son tour, reprend le dessus et reprend la parole. Tandis que toi, Torik, tu tentes de rejoindre tes amis, vous autres, vous assistez à cette scène. Cette femme a péché et elle doit payer pour ses crimes. Scirocco s'empare alors à son tour de la torche, l'arrache des mains du fureur. Qui semble étrangement se laisser faire. D'ailleurs, il y a pas moyen d'intervenir. Alors je vais vous laisser une toute petite chance. Dans ce cas-là, je vais juste demander avant à Mokoche un jet d'intellect légende et tu peux ajouter ton nombre de secrets en des bonus. Est-ce que j'ai des secrets? Avec une difficulté de 3. Non, j'ai pas de secrets. Eh bien, sans bonus alors. Intellect légende, c'est ça? Exactement. Difficulté de 3. Eh bien, ce sera 3 réussites dont un déclencheur. Ok. Mokoche, tu remarques assez aisément que la position qu'a prise le fureur n'est pas tant là pour supporter celle de Scirocco que pour faire d'étranges signes avec ses doigts. En réalité, ils sont plutôt discrets et là où on pourrait penser qu'il s'agit là de moyens d'appuyer ses paroles, tu comprends qu'il est en réalité en train d'ordonner à ses hommes de se positionner, sans doute de se préparer à l'attaque. Faut sortir Torik d'ici, il va se faire écraser par les CRS. Très bien. Jacquard, tu peux potentiellement agir avant que la situation ne se déchaîne. Ouais, mais sachant qu'il y a une attaque qui se prépare. Qui n'a pas ? Non, sachant qu'il y a une attaque qui se prépare. Exactement. Mm-hmm. Du coup, Jacquard, tu m'avais dit que tu voulais potentiellement agir. Il est en train d'agir, dans l'ombre. Ouais. Non, sinon il faut vraiment sortir cette oreille-là parce qu'elle se fait rouler dessus en fait. Bah ouais. Ça serait bien qu'on sorte de là. Enfin, qu'on le sorte de là. Est-ce que, avec tout ce temps-là, je peux pas refaire un test d'agilité pour voir si depuis le temps j'ai pas réussi à m'extirper? Alors je vais laisser les autres joueurs agir avant toi. D'accord. Bon, je pas agir spécialement à part des Tori, quoi. Pardon, dépend... Je compte pas agir spécialement. Jacquard, pour être Torik. Mokoche ? Oui, oui, oui. Non. Bah, c'est le moment où on agit. Qu'est-ce que tu veux faire ? Ok. T'avais pris un truc ? Bah, en fait, j'ai pas trop d'armes à distance. Je voulais le buter pour être honnête avec vous. Mais. Pas Torik. Non, bah. On a pas d'armes à distance. Non mais là le coup c'est qu'il faut me sortir de là, pas buter des gens. Bon bah Vous pouvez aller chercher Toric, bah moi je vais aller chercher Toric. Bah j'écris Boca. Très bien. Bon bah moi je vais essayer Boca, d'aller chercher la pauvre femme. Boca, je fais moi également un jet d'agilité mobilité avec une difficulté de 3. Moi je fonce mais genre vraiment dans l'optique en mode où genre rugbyman, tu vois, genre j'écrase ce qui me passe, ce qui s'arrête. Ça c'est Mokosh. Très bien. Dans ce cas, moi ce que j'aimerais c'est de rester à l'entrée sortie, c'est de la foule, pour pouvoir que quand il arrive avec Toric, bah pouvoir le tirer, tu vois. Très bien. Agilité, mobilité, c'est ça? Exactement. Avec une difficulté de 3. Toric, tu vas y rester un petit moment. J'ai une réussite, voilà. Aïe. Tu te diriges au niveau de la foule, tu tentes d'approcher Toric et au moment même où tu poses sa main sur ton épaule, tu vois une espèce de montagne qui commence à te bousculer et t'envoie valser à 2 mètres de lui. Tu te relèves et c'est alors une femme qui, complètement paniquée, se met à courir et te bloque la vue. La seconde d'après, tu t'aperçois absolument plus Toric qui semble lui-même avoir été emporté dans la foule. Les gens commencent vraiment à se coller au niveau de l'estrade. D'ailleurs, vous apercevez certains des orgastiques qui font rouler à travers la foule une espèce de gros tonneau qu'ils approchent rapidement de la scène. Durant ce temps-là, j'arrive juste avec Flux jusqu'à toi après. Vous voyez les adeptes de Skiroko qui commencent à attacher la pauvre dame au niveau d'une croix en bois, la fameuse croix anabaptiste qui a été érigée en haut de l'estrade. Skiroko, lui, commence à s'approcher avec sa flamme à la main. Et Flux, tu voulais me dire ? Voyons l'échec de Mokosh, et je sais que Jakar veut aussi essayer. Si jamais je vois que Jakar échoue aussi, j'utilise la technique du vocodeur pour faire une onde et libérer entre guillemets le passage. Quoi. Très bien. Ce sera sans doute dévastateur, mais je comprends. Bah, Jakar, si mes trois amis sont à l'intérieur perdus, à un moment je choisir. Jakar, est-ce que tu veux me faire une tentative également ? Oui. Vas-y, je te laisse me faire un jet d'agilité, mobilité, avec une difficulté de 3. En effet, vous voyez qu'il y a sans doute plusieurs centaines, même près d'un millier, voire plus de personnes qui sont là réunies autour de finalement cette si petite estrade. Tandis que Jakar s'enfonce également au sein de la nuée. Dis-moi les résultats de ton jet. Yes. Ok. Très bien. Du coup, Jakar, tu t'élances à nouveau dans la foule. Tu écartes différentes personnes devant toi sans grand mal, étant donné que tu es vraiment imposant. D'un bras, tu attrapes Toric, et l'instant d'après, tu dégages la foule devant toi, quitte à déplacer de manière relativement violente plusieurs personnes, pour que Mokosh puisse se glisser à nouveau. Vous rejoignez tous les trois Efflux. Efflux qui, lui, s'apprêtait à lancer une réelle onde de choc en plein milieu de la foule, ce qui aurait sans doute déclenché l'émeute à proprement parler. D'ailleurs, peut-être que cette dernière n'aura pas besoin de lui, puisque pendant ce temps-là, Westing, le fureur qui se trouvait sur l'estrade, s'empare du tonneau, l'ouvre, il jette un bol, le prône au-dessus de la foule et encore une fois, pour s'opposer à Skiroko, annonce haut et fort « Non, cette femme ne mérite pas de brûler !» Les flammes purificatrices ne sont pas la solution. Pour lui pardonner de tous ses péchés, je vais la baptiser. Il plonge alors, sa main à l'intérieur du bol, s'approche d'elle tandis que les adeptes s'écartent, et d'un coup, jette le bol au sol. Vous distinguez rapidement une espèce d'expression de dégoût au niveau de son visage. Et la foule qui s'écarte peu à peu. Visiblement, le bol qu'il avait rempli est rempli d'énormes insectes et divers asticots qui tombent au niveau de l'estrade et qui commencent à ramper. D'un coup, des gens commençant à se reculer, renversent le tonneau qu'avaient apporté les orgastiques. Et en effet, vous y reconnaissez là les mêmes bestioles que vous avez vues dans les bois, qui commencent à se répandre en plein milieu de la foule. Les gens qui commencent complètement à paniquer. Et alors que Wisting s'apprêtait à reprendre le dessus sur Skiroko, le flagellant annonce haut et fort « Le dernier signe, regardez, je vous l'avais dit, tout est corrompu, cette ville doit être détruite. Réveillez-vous, rebellez-vous !» À ce moment-là, les orgastiques qui, eux, vous entourent commencent à resserrer d'autant plus la foule. Heureusement pour vous qu'aucun d'entre vous ne se trouve à l'intérieur, vous auriez été complètement compressé avec cette dernière. Vous commencez à voir les premières effusions de sang commencer à entacher le pavé. Les gens commencent à crier, d'autres essayent de fuir, certains sont écrasés sous les pas des autres, tandis que Skiroko est renversé par Westing. Il tombe au sol, lâchant sa torche contre l'estrade. Que faites-vous ? On continue notre main, en fait. Ça y est, il y a moyen de continuer ? Bien sûr. On se casse. Okay. C'est, la situation est perdue ici. Tandis que vous vous éloignez, vous commencez à percevoir au loin de la fumée s'élever dans le ciel. Mais ce n'est pas tout. Faites-moi chacun un jet de perception. Instinct, perception, avec une difficulté de 3. C'est raté pour moi. Très bien. Mokoche, et notamment toi, Jacquard, en vous retournant, vous commencez à discerner quelque chose qui vous troublait, quelque chose qui était là en second plan et que vous n'avez pas remarqué aux premiers abords. En dehors du vacarme de la foule, semble émettre un certain vrombissement, un bruit sourd au loin qui se rapproche. Et même si le ciel commence petit à petit à s'effacer, ce sont visiblement là des milliers et des milliers de silhouettes qui s'élèvent dans le ciel et commencent à englober la ville. Jacquard, ton œil, avant que vous ne vous dirigiez en direction du cloître, se portera sur la silhouette de Westing, couvert de ses asticots, qui commence petit à petit à se faire entourer par d'énormes bêtes volantes qui font la taille d'une paume et qui commencent à se glisser dans ses vêtements. T'y reconnais là exactement les mêmes bêtes que vous aviez aperçues dans les bois. La nuit est lâchée et commence à entourer la ville. C'est la panique. Visiblement, personne n'est là pour éteindre les flammes qui petit à petit gagnent la maison des Bene Sato et les étals à proximité. Souhaitez-vous leur venir en aide ou continuez-vous votre course en direction du cloître ? J'ai pas l'impression qu'on peut faire grand chose personnellement. Bah, là, les Bene Sato, ils sont partis déjà. Les Bene Sato, en effet, je l'ai pas précisé, mais la plupart d'entre eux ont réussi à sortir. Vous voyez Ennio et Gala qui arrivent en compagnie de certains de leurs hommes. Ils sont moins nombreux que lorsque vous étiez parti de la maison, mais les principaux sont là. Honnêtement, je pense que ils sont perdus. On ne pourra rien faire pour eux et la vraie menace est encore loin d'être arrivée. Vous tournez donc le dos à la foule. Vous entendez les cris de panique, les hurlements, les pleurs des enfants au loin, tandis que vous vous dirigez vers le cloître qui prône ainsi juste devant vous. Cette forteresse élancée, dont les ombres recouvrent la ville, qui part petit à petit en fumée. Alors que vous vous approchez de ce dernier, que vous commencez à emprunter le sentier qui va vous y mener, Vous entendez des bruits à votre droite. Vous vous tournez rapidement, tandis que vous apercevez la silhouette de Carmino Ferro et de quelques anabaptistes derrière lui. Mokosh, tu reconnais très bien l'un d'entre eux, il s'agit de Leto. Pour rappel, vous l'aviez aperçu à l'auberge, notamment. Il t'adresse un bref signe de tête. Il n'a visiblement pas le temps de venir te parler, tandis que vous vous dirigez tous ensemble en direction du cloître. Il s'agit donc lui. Pardon. Il s'agit là donc de lui, l'anabaptiste en qui Carmino pensait avoir confiance. Normal. En vous dirigeant vers l'entrée, vous apercevez au loin tout un bataillon d'orgastiques se précipiter en direction de la ville. Ils ne vous ont pas encore vu. Vous êtes environ une dizaine sur le sentier. Que faites-vous? Est-ce que vous souhaitez les croiser, vous cacher, vous en prendre à eux, leur donner des ordres? C'est particulier, je sais pas trop sur quelle situation on est par rapport à eux. Eux, dans tous les cas, visiblement, sont équipés de lance-flammes. Vous voyez leur silhouette au loin commencer à se rapprocher de la ville. Ils sont visiblement là pour éliminer l'ennemi qui s'en prend à eux. Je pense qu'on va juste s'écarter de leur chemin et laisser passer. A priori, c'est leur priorité de s'attaquer aux émeutes et aux bestioles et tout ça. Très bien. Vous vous mettez sur le côté. Vous les voyez qui, quelques instants plus tard, traversent la route en courant. Certains vous jettent quelques regards intrigués. Mais qui êtes-vous et qu'est-ce que vous faites là? Mais ils n'ont pas le temps. Les ordres sont les ordres. Ils se dirigent en direction de la ville. La fumée a désormais complètement recouvert le toit des bâtiments. Au loin, vous discernez également de nouveaux filaments lumineux qui commencent à englober la totalité de la zone que vous pouvez apercevoir à l'horizon. Quel genre de maléfice est-ce là? Vous n'avez pas le temps de vous poser la question, vous continuez de vous diriger en direction du bâtiment. Les quelques gardes à l'entrée semblent bien trop équipés pour que vous puissiez tenter une quelconque confrontation, même si visiblement la plupart d'entre eux sont partis en direction de la ville. Ainsi, Leto se rapproche de toi, Mokosh, et te dit ces mots. Écoutez, voilà ce qu'il faut qu'on fasse. On va tenter de les convaincre de nous laisser passer. Pendant ce temps-là, faites le tour au niveau des jardins élyséens. Il y a un passage, vous pourrez pas le manquer, qui vous conduira directement à l'intérieur. Dans le doute, ça nous sera utile d'avoir infiltré la base. Tu vois qu'il soupire, me voilà en train de s'aborder mon propre château. Très bien. Ça marche. Il te pointe du doigt la direction des jardins élyséens. Tu t'y diriges, accompagné de Jacquard, Efflux et Toric. Est-ce que vous demandez à d'autres de se joindre à vous, comme Carmino par exemple? Oui, mais Carmino, il peut venir. Hein. Ok. Toi, Toric, t'adresses un regard à Carmino Ferro. T'as pas besoin de prononcer le moindre mot qui comprend ce que tu veux lui dire. Il se rapproche de toi et sort son arme. Allons-y, on n'a plus le choix de toute façon. Si on n'a pas prévenu les Helvétiques dans l'heure, je pense qu'on est perdu. Il trace le pas, part devant et commence à s'attacher en direction du jardin. Vous savez que le jardin, notamment, normalement, est sacré. Seuls les Élysées ont le droit de s'y rendre. J'imagine que vous n'allez pas respecter cette tradition et enfoncer la porte sans bien mal. Ça va la première fois. Vous rentrez à l'intérieur et vous découvrez cet havre de paix, désormais plongé dans l'obscurité. Vous vous dirigez au niveau de cloître et en effet, vous apercevez la fameuse entrée. Vous n'ignorez sans nul doute qu'en temps normal, ces dernières seraient gardées par différents orgastiques, mais visiblement la situation vous est avantageuse et vous pouvez rentrer assez rapidement et assez facilement à l'intérieur de la forteresse. Moi, pour ma part, je rentre quand même, même si ça a été facile, je rentre quand même sur mes gardes. On sait jamais. Si au détour d'un couloir on tombe nez à nez avec un garde Voilà quoi. Très bien. Vous rentrez à l'intérieur. Vous y découvrez de longs couloirs en pierre. Une pierre froide et humide. Il ne semble pas y avoir âme qui vive, en tout cas pas dans la parcelle dans laquelle vous vous trouvez. Carmino vous regarde. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Est-ce que quelqu'un ici connaît les lieux? Je suis déjà venu ici quelques fois, notamment pour rendre visite au fils d'Altaïr et de Neva, mais c'était il y a plusieurs années, donc je ne saurais pas trop me rappeler non plus des vastes couloirs. En général, c'est soit Altaïr qui vient me rendre visite à l'infirmerie, soit je prends l'accès principal. Dans tous les cas, j'imagine que ce passage, à ce moment-là, les pointes qui semblent être des escaliers à l'arrière du couloir, devraient nous amener au sommet du cloître. Mais je ne peux pas promettre grand-chose. Donc là, on est où dans le cloître? Pardon? On est où dans le cloître? J'ai un peu du mal à me... Pour l'instant, vous êtes, vous venez de rentrer, vous vous trouvez dans un espèce de dédale de couloir. Je pense... Honnêtement, vous êtes sans doute à l'intérieur même de la muraille qui l'entoure, et plus tard pourrez-vous trouver une porte qui vous permettra d'accéder à une pièce ou une partie précisément du cloître. Vous venez de rentrer. Je regarde Carmino et je dis, écoute, si tel est le... Enfin, si on se fie à ce qu'ils nous ont dit, il doit y avoir un feu de détresse, il serait probablement tout en haut. Enfin, sur le toit. Oui, ça fait sens. Donc il faut monter. Il faut monter. Quoi que ce soit, il faut monter. Bien. Il faut prendre de l'altitude. Allons-y. Vous vous dirigez vers le haut du bâtiment. Vous montez une espèce d'escalier en colimaçon. Encore une fois, tout est taillé en pierre. Il y a des espèces de meurtrières à travers laquelle vous apercevez plusieurs silhouettes en bas qui semblent discuter. Il s'agit visiblement là de Lito, et des Anabaptistes. Vous continuez de votre ascension et arrivez jusqu'à une porte en fer. En effet, comme vous l'avez indiqué Carmino, celle-ci semble relativement haute à l'intérieur du cloître. Vous entendez d'ailleurs quelques voix filtrées à travers, mais ces dernières sont étouffées. Que faites-vous? Est-ce qu'elles ont l'air plutôt lointaines malgré tout ou assez proches, tu vois, malgré le fait qu'elles soient étouffées? Elles ont l'air de se trouver à quelques mètres, sans doute pas plus d'une dizaine. Donc peut-être dans le champ de vision de la porte, quoi. En effet, il y a des chances. Malheureusement, compliqué. Et c'est la seule porte, il n'y a que ça. Dans l'embranchement que vous aviez pris, en effet. En haut de l'escalier que vous ayez... Qu'on pourrait pas faire un gros bruit à l'extérieur? Je parle surtout aux autres joueurs. Je sais pas s'ils me comprennent. Mais faire un bruit à l'extérieur pour les attirer et nous en profiter pour se faufiler, quoi. C'est difficile de se faufiler à travers une porte. Parce qu'ils seront... Mais non, mais s'ils vont à l'extérieur, genre le bruit... Faut les faire sortir, faut les amener à ce qu'ils sortent de la pièce, en fait. C'est ça. Ouais, mais sortir de la pièce et dans le couloir, on les attend. Foutons le feu, du coup. Ouais, c'est un petit peu dangereux, je pense. Bah, écoutez, moi, j'ai envie de dire, il y a des gens qu'on aime pas à l'intérieur, on va allumer un feu pour qu'on nous voit de loin. Bah, foutons le feu au bâtiment. Ouais, mais en fait, non, on a besoin de lancer l'alerte. Si on détruit le... Mais justement, c'était pas un feu que vous vouliez allumer pour prévenir les Helvétiques? Un feu de détresse, ce n'est pas un feu. C'est comme un fumigène, tu sais, que tu lances là. Justement, moi je dis mettre le feu au bâtiment, ça se verra encore plus loin. Mais le feu ne leur indique pas forcément qu'on a envie qu'ils viennent nous aider. S'il y a un code couleur ou genre rouge. Dans ce cas-là, on trouve le feu de détresse. Les voix commencent à se rapprocher, à se faire de plus en plus fortes, comme si quelqu'un se dirigeait en direction de la porte. Et du coup, est-ce qu'on a des endroits pour se cacher là? Malheureusement, non, des escaliers, cela semble relativement compliqué. Mais dans ce cas-là, Bon, ils approchent, on peut rien faire, il faut être en position de force dès qu'ils arrivent. Confrontation ? Voilà, on se prépare déjà à être mina. Voilà. Ou est-ce que... Comme ça, en mode prêt à attaquer, tu vois. Juste derrière la porte. Ouais, j'ai pas d'armes, donc je vais aller derrière. Hein. Bah derrière, tu viens derrière. Préparé. Prends une position karaté comme ça. Tu recules légèrement. D'un coup, la porte s'ouvre. Et vous voyez la silhouette de Lucio Bastardo. Je sais pas si vous vous rappelez, c'était cet homme grand, chauve, relativement musclé, le fils adoptif d'Altaïr qui était venu vous rendre visite. Le chef de la garde. C'est le mec qui nous avait mal parlé. Il vous voit, il n'a pas le temps de réagir que... Ne bougez pas, nous ne voulons faire aucun mal. Il faut activer le feu de détresse pour faire venir de l'aide. Qu'est-ce que vous faites ici? Nous venons ici pour activer le feu de détresse pour faire venir de l'aide. La ville est en grand danger. Il s'agit là que de quelques flagellants, nous n'aurons aucun mal à les écraser. Non, un psychokinésiste est en approche vers le Catoré. Il va tout détruire. Je dirais, mon ami. Non. Écoute, Lucio, top tempère ou je te coupe la tête. Fais-moi un jet de domination, Mokosh. C'est bon, on a plus le temps de dominer avec ces gens. Psyché domination, pardon. Psyché domination. J'ai mon bonus d'aura de peur ou... Si tu veux, tu peux me jeter un dé supplémentaire grâce à ton aura de peur, en effet. Toujours. 4 réussites dont un déclencheur. Eh bien, je vais faire une défense mentale. Alors. Tout de suite. Oui, non, mais si on discute là, ça se voit, c'est un arrogant, il va nous faire chier, et au bout d'un moment, il va nous attaquer. Lucio Balstad. Alors. Je suis sûr que c'est un mec sympa en plus, mais c'est un gros con. Mental. Il nous a insulté la première fois qu'on l'a vu. J'ai le droit à 6 de défense. C'est le gros con sympa, tu vois ce que je veux dire? Alors. Et c'est un gros con, mais il est en haut de camp. 4 réussites, dont 3 déclencheurs. Oh le fils en plus. Bon, j'ai dans lui une coupe la tête. Tu vois qu'il s'approche de toi, Mokosh. D'un pas certain. Je suis votre supérieur hiérarchique, vous n'avez pas d'ordre à me donner. En l'occurrence, c'est pas un ordre. Nous voulons la même chose que vous, protéger cette ville. Cette ville, et on vous le dit, est en danger. Nous avons rencontré Fernex dans les bois juste à côté d'ici. Et Jacquard, ici présent, a vu de ses yeux un psychokinésiste. Et il s'approche, et il est très puissant. Si nous n'agissons pas rapidement, Lucatoré et bien plus vont disparaître. Fais-moi un psycho... jet de leadership avec un bonus de 1D. Parce que j'ai bien aimé le... Alors... Et encore une fois, je vais faire une défense mentale. Charisma, leadership... Aïe. Et cette fois-ci, je n'ai fait que 2 réussites, dont un déclenche. Bon bah c'est le bon moment, là. Il y a des chances. Mais bah, je n'ai fait que 2 réussites. Bon, il va falloir penser à lui. Tu vois que d'un coup, Hercule ferme la porte derrière lui et commence à donner des ordres, à beugler des ordres à ses gardes qui commencent à s'approcher en courant. Vu qu'on est dans un couloir. Tu l'entends simplement dire : je vais détruire cette satanée. Fusée avant que vous n'ayez le temps de l'utiliser. C'est quoi ce J'ai pas moyen de défoncer la porte avec mon marteau. Bien, fais-moi un jet de force, donc body melee. Body force, pardon. Alors, body... Ok, ouais. Avec une difficulté de 3. Ouais, nous, on essaye de parler, y'a pas moyen. Oui, non, mais voilà. Ils comprennent que la baston est ici, dans ce pays, c'est pas possible. Ça a failli. C'est un échec, j'ai qu'une réussite. Est-ce que je peux utiliser mes... Oui. Je sais qu'on n'est pas vraiment en combat, mais... Alors, en théorie, non, mais je veux bien te proposer un deal. Vends-moi ton âme. Je t'autorise... Ou alors fallait peut-être que j'avais Hammer Blow, non? Vous pouvez pas m'aider? Il te manque combien de réussites pour faire cette action? Quoique, non, il m'en manque deux en fait, j'ai rien dit. Il te manque combien de réussites pour faire cette action? Deux. Stoke 3, c'est de réussite. En effet, le fait d'ouvrir la porte dès maintenant est clairement primordial pour empêcher Lucio Bastardo de détruire la fusée éclairante, lui qui ne veut pas livrer la ville aux Anabaptistes, aux Anabaptistes, aux Helvétiques. Et maintenant, c'est logique. Maintenant, je peux t'autoriser deux réussites supplémentaires, automatiquement. Par contre, dès que je le souhaiterai, je retirerai deux réussites à l'un de tes tests. Je pense que je suis prêt à sacrifier de très bien. Tu t'empares de ton marteau, t'assènes un violent coup dans la porte, et tu vois les pauvres gardes qui étaient derrière et qui tentaient de la fermer, qui sont projetés avec quelques mètres plus tard, enfin plus loin sur le sol. Aussitôt, j'imagine que vous vous enfoncez dans l'encadrure de cette dernière. Flux, qu'est-ce que tu veux faire? J'ai un super écho qui permet de déstabiliser ce qui est vivant et ce qui n'est et qui ne touche pas en fait à ce qui n'est pas vivant. Et du coup, pour enlever quelqu'un qui veut faire du mal à quelque chose de pas vivant et qui est vivant, je pense que c'est une bonne stratégie. Alors, répète. Il veut faire des échos très forts. Ouais. Toujours la même attaque, un peu plus que ça. Bah ouais, parce que si je peux le déstabiliser le temps que les autres le touchent... Alors fais-moi un jet d'intellect engineering combiné à un jet de psyché domination, s'il te plaît. Donc, à ce moment-là, toi, tu balances ta violente, donc tu montes le vocodeur maximum, et avant que les autres n'aient le temps de s'encastrer à l'intérieur, tu balayes la salle. Tu vois Lucio qui, lui, s'apprêtait à quitter la pièce, qui est, surpris, et qui tombe au sol. Littéralement, t'as explosé la pièce. Tu vois certains objets, certaines feuilles qui ont volé suite à la déflagration. Et à ce moment-là, tes alliés commencent à rentrer dans la pièce. Plusieurs anabaptistes sont déjà au sol. Carmino s'approche de l'un d'entre eux et l'assomme avec son arme. Qu'est-ce que vous faites, vous autres? Ah, moi, j'essaie de trouver très rapidement là où serait passé le feu de détresse. J'essaie de trouver le plus rapidement possible où est situé le feu de détresse. Très bien. Voilà. Alors, tu fais-moi un jet de perception, s'il te plaît. Instant perception. Pendant ce temps-là, Mokosh. Bah, je vais essayer d'aller prendre Lucio en otage, du coup. Très bien. J'imagine que les autres anabaptistes. Fais-moi un jet. Alors, du coup, tu veux quoi? Tu veux le plaquer au sol? Tu veux le menacer? Faire en sorte de l'immobiliser et d'être capable de le flinguer. Alors si tu veux l'immobiliser, tu vas me faire un jet de body brawl, s'il te plaît. Avec une difficulté, étant donné qu'il a été étourdi. Enfin, ok. Oui. Mais non, j'ai mis deux réussites. Mais... Eh bien, c'est donc trois réussites dans deux déclenches. Ok, trois réussites pour Toric. Parfait, c'est exactement ce qu'il fallait. D'un coup, tu balayes la pièce du regard et en effet, tu n'y vois pas la moindre fusée éclairante. Par contre, tu remarques que Lucio lui se dirigeait vers l'une des portes, l'une des trois portes qui composent la pièce, et visiblement donc c'est derrière celle-ci que vous pourrez au bout d'un moment trouver la pièce. Donc tu t'en diriges en courant, tandis que Mokosh, elle, plaque Lucio Bastardo au sol, sans doute lui pète un bras ou en tout cas lui déboîte l'épaule alors qu'elle lui tord dans le dos, et colle le visage contre la pierre en lui disant « Dis à tes hommes de quitter le château ». Pas le cloître ou ce que tu veux. S'il te plaît. Faites ce qu'elle dit. À ce moment-là, les derniers hommes qui se retrouvaient dans la pièce, en tout cas sur pied, se lèvent et commencent à se diriger vers la sortie. Ils croisèrent le regard furieux de Jacquard qui a évincé la porte d'un seul coup. Jacquard, est-ce que tu souhaites faire quoi que ce soit? Ils obéissent ou pas visiblement les hommes? Visiblement, ils obéissent en effet. Leur chef leur ordonne. Ils sont complètement paniqués via ce qui se passe. Ils viennent de se faire balayer par un chroniqueur qu'ils n'ont pas l'habitude de rencontrer. La porte a sauté d'un seul coup. Plusieurs d'entre eux ont été jetés au sol. Et leur chef est actuellement en train de se faire maîtriser. Donc ils sont clairement en train de perdre le contrôle de la situation. Bah, écoute, dans ce cas-là, je vais aller voir Mokosh et puis je vais participer à l'interrogatoire. Hein. Où sont les fusées, vite? Ou je t'éclate la gueule avec mon marteau. T'en chopes l'un d'entre eux, c'est ça? Non, je veux voir Lucio. Ah, oui. Je veux aller voir Lucio. Tu t'approches de lui. tu commences à le choper au col tandis que Mokosh était en train de le maîtriser. Tu commences à lui beugler tes ordres. En haut de la tour. Et il pointe de sa tête en effet la porte vers laquelle se dirige Toric. Je prends sa tête et je lui éclate contre le mur. Ok, tu prends sa tête, tu lui éclates contre le mur. Tu vois qu'il tombe au sol inconscient. Vous c'était vous dirigez en... Pardon. C'était pas moi. Techniquement, t'as rien fait dans ta hiérarchie, ça reste entre nous. Exactement. Vous un dernier escalier et vous arrivez sur ce qu'on va appeler une espèce de plateforme en plein air, en fait. Elle relie plusieurs parties du cloître. Et en effet, dans une espèce de petit coffre qui n'est pas fermé à clé, vous y trouvez la fameuse fusée éclairante. Que faites-vous ? Parfait. Je la brandis. Je la brandis dans le ciel, tu vois, je la brandis haut. La brandis dans le ciel. Et je tire. Parce que je sais, j'imagine que c'est ça. On est bien un ciel découvert. Très bien. Pardon ? On est bien un ciel découvert. Alors. On la tire dans la pièce. Non mais. Oh, attends, c'est dans le temps, c'est vous tirer. Comme je dis, vous êtes actuellement sur une plateforme en plein air. Vous sentez le froid. D'accord. Vous engourdir. Vous voyez au loin la ville complètement en proie aux flammes et la nuée. Qui vibre à travers, qui malheureusement, enfin heureusement pour vous, ne peut pas arriver jusqu'au cloître, car comme je l'avais précédemment précisé, le cloître se trouve en altitude. Et, en tout cas, trop en hauteur pour ce que la nuée puisse vous atteindre. Vous êtes donc visiblement dans la seule zone sécurisée de Lucatoré. Oui ? Par contre, il y a eu une espèce d'onde là qui a pris la ville. En effet, il y a une espèce visiblement de champ de force qui semble étrangement entourer la ville, quelque chose de gigantesque, parce qu'on parle quand même ville entière. Est-ce qu'elle risque pas de défoncer la balise ? Eh bien, c'est trop tard dans tous les cas, car Toric va utiliser le pistolet éclairant. Ouais, de toute façon, de toute façon, on est coincé à l'intérieur. Si ça marche pas, tu vas aller où avec ta balise Je comprends, mais c'est juste que je me pose la question maintenant qu'on l'a, tu vois, je me dis tiens. Mais il restait que ça, de toute façon. Je fais. Non. La fusée folle, elle filtre comme ça à travers l'air, elle fend dans une espèce de bruit. Comment dire, assourdissant. Et puis. Explose. En une giclée de lumière. Petit à petit, vous voyez retomber, vous sentez cette odeur de soufre vous prendre au nez, et vous voyez quelques parcelles justement de la fusée atterrir à vos pieds ou sur la plateforme qui se trouve juste en dessous de vous. Quelques instants plus tard, un second bruit assourdissant, un vacarme d'un coup fend l'air. Un coup de feu vient d'être tiré dans votre direction. Phoenix. Faites-moi chacun un jet d'agilité mobilité. Entreprise de poule. Ah non, c'est zone de poule. Avec une difficulté de 2. De 3, pardon. Agilité, c'est tout ? Mobilité. Ah, excuse-moi, mes excuses. Donc agilité, du coup. Oui. Oh là ! Oh oui ! Alors. Bon, et ben pour moi, c'est très bien. Dégage. J'ai fait 1, 3, 3, 2, 1, 2. Il s'agit donc d'un échec critique. Moi aussi. Malheureusement pour vous, cet échec critique n'était pas pour le tireur. Oh non. Il était pour Carmine. Oh non. Vous retournez, et au niveau de la plateforme, apercevez la silhouette du spitalier. Sa main collée contre sa poitrine, tandis que du sang commence petit à petit à couler entre ses doigts. Il titube légèrement quelques pas en arrière. Malheureusement, comme je l'ai précisé, c'est un échec critique sur 6D, j'ai fait 2-1 et aucune réussite. Les deux hospitaliers sont touchés. Tac, tac. Non, t'inquiète pas pour toi, Toric. Cette balle n'était pas pour toi. Moi, je suis effondré. Je tombe à genoux. Ce qui se passe, c'est que tu aperçois son regard. Tu le vois qui commence à basculer en arrière, comme s'il allait tomber. Elle va tomber de la tour et tout. Bah je cours dans sa direction. Je cours dans sa direction pour essayer de le retenir. Tu cours dans sa direction. Qu'est-ce que vous faites vous autres en attendant ? Moi, je suis un peu choqué, je m'attendais pas à un tir de sauvation. Pardon ? Mokosh, j'ai raison. Faut chercher du bon tir. Moi, je vois une perception, Mokosh. Instinct perception avec une difficulté de 3. De 2, pardon. Pendant ce temps-là, moi je coup, on parle quand même d'un tir. Pendant ce temps-là, Toric, fais-moi un jet d'agilité. Mobilité. Pareil, du coup, pour déterminer où le tir est. S'il te plaît, pour déterminer. Avec une difficulté avec une côté de 4. Le tir, c'est quoi déjà? C'est pour moi la difficulté là? La difficulté de 4, elle est pour toi. Et du coup, le jet du tir, c'est. Bon, bah, pardon, c'est mort. Le jet de tir pour Antoine, enfin pour voir d'où vient le tir. Oui. Il veut voir avec Mokosh. Dans ce cas-là, c'est un jet d'instinct perception avec une difficulté de 2. Et moi, pour le coup, je le fais pas parce que je suis choqué que qu'on vient d'essayer de me tirer dessus. Sur votre quoi? Qui ose? Ouais, clairement, qui ose. Il t'approche dangereusement du bord, mais malheureusement trop tard. Au moment où ta main se plonge dans le vide, tu vois la silhouette du hospitalier tomber au loin et disparaître, happé par les ombres. Je tombe à genoux, en effet, limite devant la, t'sais, devant le vide. On peut imaginer tout de suite une espèce de plan esthétique de Carmino tombé. C'était votre ami, malheureusement. Il n'est plus. Pendant ce temps-là, Jacquard, toi, tu t'es retourné et t'as immédiatement identifié le tireur. Sortant du bâtiment d'en face, l'émissaire de fer, une arme à la main. Là, on est d'accord, on est tout en haut de la tour. Fumante. Pardon ? On est d'accord, on est tout en haut de la tour, là. Vous êtes tout en haut de la tour. Il y a juste une parcelle secondaire qui se trouve légèrement en contrebas, à environ 2 mètres. Qui, en fait, elle semble être une espèce de grand balcon inférieur. Et donc, là, en gros, elle est où ? Elle est dans une tour en elle face, elle est juste là, en face de vous, à quelques mètres. En fait, elle vient de sortir de l'opposé de votre direction. En fait, elle est en direction de l'espèce de grande tour qui est interdite au public. Il y a moyen de sauter pour aller la choper ? Bien sûr, elle est même pas en hauteur, en fait, elle est seulement à quelques mètres. Ah oui, bah vas-y, bah moi je saute direct et je vais, je me dirige vers elle en mode marteau. Très bien, tu avances vers elle. Je vais pas te demander de jet d'initiative, j'imagine que tu l'attaques tandis qu'elle essaye de recharger péniblement son arme. Tu la vois, elle est là complètement tremblante, elle semble complètement... prise par la folie. Elle réalise pas ce qu'elle fait, elle est seule là contre vous 5, elle aura aucune chance de vous éliminer les uns après les autres, tandis que vous vous dirigez dans sa direction. Elle commence à recharger, fais-moi un jet de corps à corps. Mais les corps à corps, sachant que ton arme t'impose un malus de 2. Alors j'ai souffle hammer, enfin souffle du marteau, hammer blow. Ouais. Ouais, alors, je peux l'utiliser là, du coup je sais. Rappelle-moi ce que ça fait si jamais tu en as le souvenir. Potential, ciel, j'ai toujours pas noté, excuse-moi. Pas de soucis. Je vais te dire ça rapidement. Pendant ce temps-là, fais-moi ton jet. Alors, du coup, tu m'as dit. Et les autres, dites-moi ce que vous souhaitez faire. Body melee, c'est ça ? Ouais. Moi, j'avoue que je suis encore un peu dans le. Et Antoine, pour répondre à ta question, enfin, Jacquard, ton potentiel est un potentiel passif. Normalement, t'aurais dû avoir un malus de 3, là, tu vas avoir un malus de 2. Du coup, en attendant, les autres, vous m'avez dit ? Moi, je suis sous le choc. Pour l'instant, je fais rien. Tu tombes au sol, j'ai diminué tes points d'écho. Donc, voyons. Fais-moi quand même un test de psyché. Alors attends, Toric, toi tu es en foi ou tu es en. Non, tu es en. T'es pas en wave, t'es en... Alors, fais-moi en effet un test de psyché wall power, s'il te plaît. Juste, voyons l'état de Toric. Ouais. Vu que moi je me suis pas inquiété d'où venait le tir dans un premier temps, j'aimerais bien. Un petit soutien moral, tu vois, aller le voir et ok, très bien. Tu t'approches rapidement de lui, très bien. Ta simple présence va aider Toric et lui accorder 2 dés supplémentaires à son jet. J'aimerais utiliser mon ego du coup pour lancer 3 dés. D'accord, je vais diminuer tes égos 3. On peut relancer les 1, je sais plus. Pardon ? Tu peux relancer les 1, je sais plus. Alors il y a pas d'histoire de relancer des dés, simplement des dés supplémentaires que tu vas lancer. Ok, bah j'en prends 3. Ok. Tu passes, donc tu n'as plus que 6 points d'ego sur les 10 initiales, t'en as déjà perdu un à la partie d'après. Très bien. Toric, tu vois, t'étais là complètement paniqué. T'arrives pas à arrêter le tremblement qui est en train de saisir ta main. Jusqu'à ce que Flux pose la sienne contre ton épaule. L'heure est grave et vous n'aurez pas le temps pour ça. Tu te relèves tandis que tu aperçois Jacquard au loin asséner un violent coup de marteau au visage de Neva, l'émissaire de fer. Elle qui était déjà à moitié défigurée, elle est projetée sur quelques mètres et arrive jusqu'au pied de Mokosh. Mokosh, qu'est-ce que tu fais ? J'ai pas le droit de la frapper, c'est ma patronne. Si ! Pendant ce temps-là, tout en bas, vous apercevez vos anabaptistes à vous, donc qui étaient accompagnés par les Bene Sato, pénétrer au sein du bâtiment. Vous entendez différents coups qui s'entremêlent. Visiblement, un conflit a éclaté. Okay. Au sein même des anabaptistes du cloître. Okay. Mokosh, fais ce que t'as à faire. Moi je me suis relevé hein, et je du coup je regarde au loin. C'était comme tu veux, t'es pas obligé de faire quoi que ce soit. Oh, tu lui mets un kick, elle tombe et puis voilà. Elle est déjà par terre. J'ai pas spécialement. Non mais elle tombe d'en haut. Elle vient de tuer votre grand chef. Tu vois, là, tu venges Carmino, elle fait le même plongeon. Non mais. Ouais mais elle a des choses à dire. C'est ma supérieure, elle a juste tué mon autre supérieur, mais bon. Non, mais elle a des choses, elle a des choses à dire. Bon, en même temps, on n'est pas censé lui parler, donc c'est toi qui. Oui, non, mais totalement. C'est pour ça qu'il n'y a pas la voix de Flux, parce que c'est pas. Allez. Bon, vu que. Choisis, fais ce que tu veux. Vu que de manière hors RP, on a décidé que on n'avait pas besoin d'écouter ce qu'elle avait à dire. Eh bien, de manière RP, je vais décider de la balancer. Dans le vide. Ah putain, okay. Mais tu m'as piqué mon action, je voulais faire tu ça. Tu commences à t'emparer. Ouais, tu me l'as jeté à mes pieds. Tu l'attrapes aux cheveux. Et tu commences à la traîner jusqu'en direction du bord. Tu plonges sa tête dans le vide, tandis qu'elle s'agrippe péniblement avec ses bras maigrelets au niveau des dalles. Tu t'apprêtes à la jeter dans le vide. Quand tout à coup, la tour, la fameuse tour interdite qui se trouve juste devant vous, explose et s'effondre. Jacquard fait manger d'agilité mobilité. T'étais le plus proche, t'es le plus susceptible de te prendre un débris qui tomberait dessus. Jacquard, s'il te plaît. Alors, avec. Avec une difficulté de 3. Agilité mobilité. Je peux pas venir t'aider. Petit ange parti. Tu vas donc subir 6 points de dégâts moins ta valeur d'armure qui est de 2-4. Toi, tu vois la tour juste devant toi qui s'effondre d'un coup, comme si elle venait d'être pulvérisée par un énorme projectile. La poussière commence à tomber, suivie de différents gravats qui t'atterrissent en plein visage. Visiblement, quelque chose de relativement gros. T'arrives en plein visage et tu tombes au sol. Tu t'en prends ensuite plusieurs au niveau du dos. Heureusement, pour toi, ton armure semble prévenir certains dommages. Tu te relèves quelques instants plus tard. Vous autres, comment est-ce que vous réagissez ? Qu'est-ce que vous faites ? Bah c'est un peu la panique là parce que. Oui, en effet, la situation qui se passe devant vous est complètement surréaliste. Hein, comme je disais, quand j'ai prêté à jeter Neva dans le vide. Jusqu'à ce que la tour s'effondre devant vous. Je regarde Toric et je lui dis. Qui s'occupe de qui ? Je vais m'occuper de Jacquard. J'essaie de voir ce qu'il a, essayer de le soigner en urgence. Ok, tu vas voir du côté de. Pendant ce temps-là, toi, Flux, qu'est-ce que tu fais ? Bah, du coup, en fait, vu que le médecin lui va s'occuper de Jacquard, moi je vais aller aider Mokosh. Ok, très bien, tu t'approches de Mokosh. Mokosh, ouais, est-ce que du coup tu continues ton action de jeter Neva dans le vide ou est-ce que du coup tu te préoccupes de ce qui est en train de se passer devant toi ? J'ai envie de me préoccuper de ce qui se passe, sauf que je peux pas m'en préoccuper si je l'ai à côté de moi, donc je balance. Ok. Mokosh, Tu te retournes une dernière fois sur elle, tu vois ses yeux en larmes qui te fixent. Et tu la jettes dans le vide. Ouais. Avec ton pied, tu fais levier contre son maigre corps qui n'a malheureusement aucune chance contre toi. Tu la soulèves et son corps, entraîné par sa tête, plonge et rejoint les obscurités. Vous vous retournez et Torik, fais-moi un jet en effet de médecine auprès de Jacquard. Tu vas le soigner de 1 point de dégâts plus 1 par déclencheur. Ouais bah tu vois je fais pas de déclencheur par contre je fais 4 réussites. D'accord, donc tu lui soignes de 1 point. Tu vois t'arrives, tu vois qu'en effet il est blessé à plusieurs endroits, tu commences à appliquer ce qu'on pourrait appeler les premiers secours. Malheureusement t'es vite interrompu dans ton action par cette ombre qui semble vous recouvrir. Alors tu lèves la tête et à quelques mètres au-dessus du sol, tu vois cette silhouette gigantesque. Elle fait 2 mètres de haut, 2 mètres 30 peut-être. Elle doit faire plusieurs centaines de kilos à première vue. Elle est là, le visage plongé derrière une grande capuche qui lui recouvre le visage. Tu vois sa peau grisâtre. Et merde. Elle descend tout doucement, comme si elle était en train de léviter. Et au moment où ses pieds touchent le sol autour de vous commence à s'effondrer également. Vous faites chacun une chute de plusieurs mètres et vous atterrissez sur la salle juste en bas. Vous peinez à vous relever tandis qu'à nouveau le sol commence à s'effondrer. C'est comme si tout vous était emporté dans une espèce d'ouragan gigantesque. Les objets se mettent à tournoyer et vous voyez des filaments lumineux éclater de parts et autres du cloître. Des murs se soulèvent et explosent devant vous. Vous commencez à tomber. Vous avez fait plusieurs chutes, je vais vous demander chacun un jet d'agilité, dextérité, pour arriver à bien vous rattraper, avec une difficulté de 3. Deux qui échoueront, 3 dégâts non bloquables, par l'armure. Alors, agilité... Yes. Agilité, t'as dit quoi? Ouais. C'est tout? Agilité, dextérité. Excuse-moi. Pas de soucis. Moko, je perds 3 points. C'est ça qui... Quoi? Alors elle perd, pas il reste. Torrent de. C'est toujours la même chose. Par que contre... j'en perde 3 ou que j'en ai que 3, c'est la même chose. Bokosh, tu t'écrases au sol. Il y a plusieurs blocs de pierre qui te recouvrent, dont l'un d'entre eux, tu sens clac, un violent coup au niveau de ton dos. Tu peines à essayer de te relever tandis que tu sens une partie de ce dernier qui est bloquée. Pour rappel, t'avais déjà perdu beaucoup de points de vie lors de la dernière session. Je suis mort. Non. Je sens que cette fois-ci, cette blessure est plus grave que les précédentes. Ouais. Tu commences à tituber et à essayer de te ramasser tant bien que mal, tandis que tu vois cette silhouette juste au-dessus de vous. Autour de toi, tu aperçois différentes entrées qui semblent bloquées. Il y a également un escalier qui semble donner vers les sous-sols du cloître. Sans doute là où est créée l'huile élyséenne. Il y a également ce qui semble être un escalier qui pourrait mener vers un étage. Et le psychokinésiste, juste devant toi. Tu aperçois Torik qui également peine à se relever. Torik, de ton côté aussi, même si tu t'en sors mieux que Mokosh, t'es vraiment pas dans un bon état. Tu vois que... tes forces commencent à te quitter peu à peu. Je vous invite d'ailleurs à jeter tous un léger coup d'œil à vos compteurs de points de vie. Seuls, Flux et Jacquard ont réussi à se rattraper et à éviter les dégâts de chute. Vous remarquez d'ailleurs que la silhouette du psychokinésiste devant vous, pour rappel, cette silhouette énorme, possède quelque chose entre ses bras. Elle tient... un tout petit être qui doit faire à peine plus d'un mètre. Il est recroquevillé sur lui-même. Cela ressemble à un enfant. Vous entendez le psychokinésiste marcher en direction de la sortie. où le fracas du combat entre les anabaptistes semble se calmer peu à peu face à la situation qui se déroule devant eux. Vous êtes là, vous ne bougez pas, vous êtes tétanisé par ce qui se passe devant vous. Et je vais d'ailleurs chacun vous demander de me faire un jet de défense mentale. Il s'agit donc soit d'un jet de psyché willpower, soit d'un jet de psyché face. En fonction de si vous êtes basé sur votre volonté ou sur votre foi. Ok, normalement c'est très bien. C'est... Comment ça marche déjà les échecs critiques? C'est quoi les règles et tout ça? S'il y a plus de 1 que de réussite, c'est un échec critique. Et que ton jet, de manière générale... Il fait quoi comme jet du coup? Enfin, là c'est libre action. De ton côté, il me semble que c'est un jet de... psyché face. C'est, ça... Et c'est bien ça. Je ne vous donne pas de seuil de réussite pour l'instant. J'espère que je réussis parce que... Avec 75% de réussite sur ce... Interprétez juste cela de la manière dont vous allez réagir à la situation. Pour rappel, vous avez ce colosse, cette chose inhumaine, cette charogne qui se déplace là juste devant vous. Sans même bouger le moindre doigt, elle a réussi à faire sauter l'intégralité de la structure. On disait que les psychokinésistes étaient les plus puissants des Homo de Genesis, et l'un d'entre eux est à l'œuvre juste devant vous. Mais étrangement, il ne prête même pas attention à votre présence. Il se dirige simplement en direction de la sortie. Mokoche, tu commences complètement à céder la panique. Tu sens tes os brisés dans ton dos. T'as du mal à te redresser. Cette douleur commence à s'emparer de toi. Vas-y. Flux, qu'est-ce que tu veux faire? Étant donné que je suis celui qui, je pense, a mieux géré la situation en vue des résultats, voyant un peu la panique se répandre, en plus de la douleur chez mes amis, je reviens utiliser normalement mon premier fait, tu sais, pour voir les gens. Alors, je sais que j'aurai pas le bonus parce que je les connais, ouais. Mais essaye, tu vois, d'utiliser ma voix pour les motiver. Étrangement, d'habitude je fais ça pour impressionner. Là j'aimerais juste en fait leur faire un petit sursaut de... Fais-moi un jet de charisme, ouais, en fait. Leadership, s'il te plaît. Ok. Ça non, moi je suis... Oh putain, oui, je suis bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouf. En effet. 5... Vous entendez l'être s'avancer et commencer à grogner. Visiblement, il est capable de parler. Laissez Barguès sortir, dit-il en avançant péniblement. Comme je le disais donc, la pièce commence à résonner et le son et la voix de Flux résonne et balaye la pièce. Qu'est-ce que tu dis? Ignorez la douleur. Nous sommes les seuls qui peut encore changer les choses. Ça va, c'est très bien. C'est pas facile ce qui se passe. Il y a aucun souci. C'est même de même, au contraire, plutôt justifié. Vous venez de faire une chute relativement élevée. Certains d'entre vous ont potentiellement les oreilles qui sifflent ou l'esprit étourdi. Flux, lui, se relève. Il se dresse droit face à la créature. Mais visiblement, son appel n'a pas fait que vous réattisez-vous. Car certaines pierres commencent à bouger. Et vous distinguez la silhouette de plusieurs anabaptistes rentrés dans la pièce. Écartez-vous, vile créature ! Crie le premier naïvement en s'approchant de cette dernière. Visiblement, son heure de gloire est arrivée. Il court, il lève son arme. Elle dégaine à peine tourner la tête dans sa direction. Alors que vous voyez son corps exploser devant vous et ses tripes se répandre au sol. Une espèce d'éclair lumineux vient de balayer la pièce en direction de ce dernier, qui s'écroule au sol. Laissez Barguest tranquille, dit la créature en continuant de se diriger vers la sortie. Les anabaptistes, eux, continuent de l'encercler. Vous autres, vous avez eu le temps de vous relever. Que faites-vous? Bah moi, j'ai envie de regarder et faire... Est-ce que vous comprenez de quoi parle ce truc? J'en sais rien. Je n'ai jamais eu affaire à ce genre de mode d'énergie. Je ne sais pas. Le nom que donne cet horreur, ça dit rien. Dans tes connaissances. Essayons de communiquer. Il parle. Essayons de communiquer. Fais-moi un jet d'intellect légende avec une difficulté de 4. Pendant ce temps-là, la créature continue d'avancer. Et puis elle semble s'arrêter. Les anabaptistes, eux, sont en train de rentrer dans la pièce. Elle est en train de détruire la ville. Arrêtez, s'il vous plaît. Certains sont en train de la supplier, tandis que d'autres commencent à l'entourer et veulent s'en prendre à elle. Elle s'arrête. Continue de protéger l'enfant en le collant contre sa poitrine. Et se retourne dans leur direction. Torik, ton esprit est trop embrouillé pour que tu puisses essayer de discerner quoi que ce soit ou te rappeler de quoi que ce soit d'utile dans cette situation. Tu sais juste que a priori, la seule opportunité pour vous de vous enfuir est justement de la fuite. Elle est bien trop puissante pour vous. Je pense qu'on peut agir sans la confronter physiquement. On meurt si on y va. L'un des anabaptistes commet l'erreur de s'en prendre à la créature directement. Il dégaine son arme et lui assène un violent coup au niveau de la poitrine. La chair se découpe et du sang commence à couler. L'instant d'après, elle pointe sa main dans sa direction. Vous le voyez qui commence à trembler. Puis un éclair de lumière, et tout comme son collègue, son crâne explose et son corps tombe au sol. Les autres commencent à céder à la panique. La créature elle-même pousse un énorme et terrible cri et commence à tourner sur elle-même, tandis que les pierres commencent à se déplacer et à se soulever sous vos pas. Que faites-vous? Vous n'avez que quelques secondes pour agir. Bah... Ah bah j'essaie de me cacher, de me mettre dans un endroit... Où ça pourrait, Bah en dehors, enfin genre si les pierres se lèvent... Il descend, et il y a un escalier visiblement qui monte. Tandis que pour rappel, est actuellement en train de se maniveler autour de vous et commence à s'effondrer sur elle-même. En bas, on descend. Je descends. Ok, je descends. Vous êtes en direction de la descente. Est-ce que quelqu'un veut rester en haut avec la créature? Est-ce que je suis capable de bouger, moi, et de les suivre? Oui, t'arrives à te relever, tu t'avances péniblement, tu sens que ton dos te fait mal, mais malheureusement la situation l'exige. Je viens aider Mokoche au passage. Ok, t'arrives, t'empoignes Mokoche, tu la supportes et vous vous dirigez en direction de la sortie. Tandis que tu sens sous tes pas le sol qui commence à nouveau à s'effondrer, comme si vous alliez désormais tomber au niveau du sous-sol. Les dalles, les pavés commencent à être projetés les uns contre les autres, dans des éclats violents. Vous voyez des anabaptistes qui sont emportés avec les pierres et qui s'écrasent contre les murs. Jacquard, qu'est-ce que tu fais? Bah pareil, j'essaie de me mettre à l'abri. Ok, Jacquard, fais-moi un jet d'agilité mobilité, s'il te plaît. Okay. Stealth, pardon. Ah, du coup, ça fait quoi? Agility, stealth. Stealth. Ok. Putain, j'ai vraiment pas de chance avec. Bien. Tu commences à diriger. Tu vois, malheureusement, t'es ralenti par Mokoche qui titube, tandis que Torik tente de la soutenir alors que tes amis se dirigent en direction des escaliers. Et au moment où tu te retournes, tu vois la silhouette de Barguest qui te regarde fixement. Tu n'arrives pas à distinguer ses yeux à travers sa capuche. Mais elle s'arrête. Juste en face de toi. Qu'est-ce que tu fais? Pendant ce temps-là, les anabaptistes, eux, cèdent complètement à la panique. Je sais pas, je... Tu plonges sur le côté, ouais, voilà. Plonge dans les ténèbres. Tu plonges? Oui. Ok. Tu te précipites et tu commences à sauter. Vous voyez, vous sentez d'un coup poussé par la silhouette de Jacquard, qui se précipite du coup dans les escaliers, fait un vol plané en avant et atterrit tout en bas. Dans ce qui semble être la salle des huiles lysiennes, vous y voyez de grandes roues en train de tourner, différentes caisses, et tout ce qui semble être du matériel d'alchimie, des ingrédients qui sont entreposés sur des caisses. Et vous y voyez la silhouette d'Abacus, l'Elysée, hein, complètement paniqué, qui se relève dans votre direction. Et qu'est-ce que vous faites là? Qui êtes-vous? Et, passer. Il faut désactiver le truc qui bloque la ville. La créature veut sortir. Elle tuera tout le monde si... on sait pas. L'espèce de champ de force, là? Oui. Je l'ai vu à l'œuvre, c'est terrifiant, mais c'est elle qui le fait. Mais... Le sol, le plafond, pardon, s'écroule au-dessus de vous. Vous avez à peine le temps de vous réfugier sous des tables ou sous cette espèce de grande roue, tandis que une pluie d'anabaptistes commence à tomber et à s'écrouler au sol. Vous voyez la silhouette qui se pose, elle, délicatement. Elle est là, elle l'évite et elle atterrit au sol. Plusieurs d'entre eux se mettent à courir. Les uns après les autres, vous les voyez qui sont explosés et qui... pardon. Et dont la chair et les os se répandent au sol. Certains d'entre vous sont aspergés de sang. Vous les voyez tous courir, les uns après les autres. Moi, je sais pas pourquoi. Cette situation est complètement chaotique. Vous n'arrivez même pas à discerner exactement ce que vous pourriez être en train de faire. Visiblement, la créature est beaucoup trop dangereuse pour être combattue. En même temps, celle-ci souhaite sortir, mais détruit tout autour d'elle. Je sais pas pourquoi, j'ai envie de crier. Que veux-tu, Borges ? Que veux-tu ? Tu cries. À ce moment-là, elle s'arrête. Se retourne vers toi. Cette ville est à moi. Cet enfant est à moi. Que faites-vous ? Tu veux qu'on te laisse seul ici avec cet enfant ? J'en profite. Pendant ce temps-là, vous autres, que faites-vous? Vous voyez Torik en train de discuter avec Bargest. Plusieurs anabaptistes morts vous entourent. Certains sont là en train d'agoniser au sol, tandis que des membres leur manquent. Vous voyez également... Lito, le fureur qui se trouve de l'autre côté de la pièce et qui tente de confronter Abacus l'Elyséen. Faites-moi d'ailleurs chacun un jet de perception. Okay. Tandis que vous pouvez essayer de trouver vos futures actions. Moi aussi ou moi je continue à discuter. Toi dans l'effet t'es trop absorbé par ta discussion. Ouais. Et fini par la silhouette qui est là devant toi qui s'avance. Ces espèces de hurlements, tu la vois qui redresse la tête en arrière et qui hurle ses ordres. Oui, j'avais pas précisé, mais évidemment, une difficulté de 3. En effet, Flux, toi, t'es complètement... dans l'inconnu. T'arrives pas à comprendre ce qui est actuellement en train de se passer devant toi. Tout ceci est si étrange. T'arrives pas à savoir exactement ce qu'elle veut. Je confirme. C'est Roleplay, c'est Roleplay. De ton côté, par contre, Mokosh... tu aperçois, derrière la silhouette d'Abacus, une espèce de passage, de tunnel qui semble se dessiner. C'est étrange, je t'avais jamais entendu parler qu'il y ait un quelconque tunnel au cloître. Il semble s'enfoncer dans la roche et dans la terre humide. De ton côté, Flux, toi tu te trouves au niveau des caisses, tu t'étais recroquevillé à cet endroit-là. Et... moi je discute, hein. Je t'appelle à Cosette avec Vargas. Très bien. Moi c'est très simple, pour l'instant je suis dans la conversation parce que j'essaye de comprendre cette chose et parce que je sais que la conversation ne marche pas. Donc moi j'écoute en fait. Oui, je continue, mais tu veux qu'on te laisse seul ici avec cet enfant? Il commence à pointer sa main dans ta direction, il semble hésiter. Oui, pauvre fou. Je vais faire un G. C'est ça la mort de Torik. En attendant que tu fasses ton jet. Pardon. Moi, je fais des. En attendant que tu fais ton jet, Moi, en fait, je fais des grands signes pour voir si un des deux autres me voit, genre Mokos ou Japan. Ok, en effet, tu vois les autres. C'est ça, c'est la panique. Bonjour. Ok. Qu'est-ce que vous faites? Bah, moi j'en profite du coup pour que j'ai réussi à avoir leur attention pendant qu'il se passe des trucs là à côté pour prendre une poignée du côté de la caisse et les montrer un peu de loin. Ok. Vous voyez Flux qui plonge sa main dans la caisse à proximité de lui et qui en ressort une poignée de bourgeons. Toi, Torix, ces bourgeons, t'as l'habitude de les voir. De la brûlure. De la brûlure dans le centre de production des huiles élyséennes à Bonabatiste. Qu'est-ce que ça peut bien faire ici? Dans tous les cas, tu n'as pas le temps d'y réfléchir. Tu sens Barghès commencer à s'avancer vers toi. Mourez, humain. Malheureusement, elle semble peu réceptive à ce que tu lui as dit. Moi, voyant ça, j'arrive. Un test d'agilité mobilité, s'il te plaît, Torik. Je comprends que d'ailleurs. Pareil. Aïe. Oh non, t'arrives à exploser. La créature s'avance vers toi. Elle se rapproche, tu sens ses lourds pas qui s'avancent. Vous autres, vous n'avez malheureusement pas le temps de réagir. Flux, tu sens juste distinguer une espèce de silhouette en haut des escaliers se dessiner. Mais tu n'as pas le temps d'y réfléchir. Vous êtes là, plongé dans les sous-sols du cloître. Pour rappel, il y a quelques instants à peine, vous vous trouviez à son sommet en train de tirer la fusée éclairante. Cette créature semble être descendue de la tour avec cet enfant et déchaîne sa colère autour de vous. Vous êtes là, incapable de faire quoi que ce soit, de réagir à quoi que ce soit, ni de tenter quoi que ce soit. Torik, tu commences à discerner quelques particules de lumière en face de toi. Elles s'amassent en une espèce de gigantesque boule lumineuse. Combien possèdes-tu de points de défense, Torik ? D'armure, pardon. Deux d'armure. Torik, t'as pas intérêt à mourir. Ouais, non, clairement pas. Ouais, non. Ça serait horrible pour la suite de la campagne. Je vais donc faire un jet d'attaque. Tu auras une défense passive de 2, étant donné que tu as fait un échec critique. J'ai le droit de janter 12 dés. Après, j'ai pas fait de 1. J'ai fait que des 2 et des machins. T'inquiète pas. Okay. Ah, je m'inquiète. D'accord, c'est pas un échec critique. Ah non, c'est pas un échec critique, c'est des 2 et des 3. Sur mon premier jet, j'ai fait 3 réussites et 2 1. Si jamais je venais à faire. Donc c'est, je les jette 6 par 6 dés par 6 dés. Si jamais je fais plus de 1 que de 2 sur le jet d'après. Enfin, de 2 1 que de réussite, peut-être que l'attaque peut être annulée. Sinon, tu perdras 6 moins ton nombre d'armure points de vie. C'est les dégâts qu'elle fait. Ouch. Et malheureusement pour toi, c'est les dégâts qu'elle va faire. Le projectile plonge dans ta direction et tu sens une intense douleur au niveau de ton bras. Tu commences petit à petit à sombrer. Vous autres, vous voyez le bras de Torik voler en éclats et se répandre sur le sol. Torik perd 6. Moins 2 points de vie. Ce qui te fait 4 points de dégâts. Tu en avais déjà perdu 9. Tu passes donc à 13 blessures sur 14. Tu bénéficieras maintenant d'un malus de 3 dés à chacune de tes actions. Au prochain coup que tu perds, tu meurs. Ouch. Okay. La créature s'avance à nouveau, d'un nouveau pas. Qu'est-ce que vous faites? Je veux jeter. Ouais. Une poignée de brûlure vers elle. Ok, tu jettes une poignée de brûlure vers elle. J'ai tout ce que j'ai. Très bien, Mokosh, qu'est-ce que tu fais? Je veux voir ce qui se passe. Jacquard, pardon, qu'est-ce que tu fais? Il est loin, Gossette, de moi? Enfin, parce que bon, je suis Toric, non, il est pas trop trop loin de toi, mais ça t'obligerait à passer à proximité de la créature si jamais tu le rejoins. Ouais, Oh là, merde. Bon, parce que la créature, qu'on soit d'accord, elle peut s'en aller là, normalement. Elle a la possibilité. Théoriquement, mais visiblement, elle préfère déchaîner à sa colère comme à un enfant qui casserait tous ses jouets dans sa chambre. Après, peut-être que je vais faire diversion, t'as voulu voir, qui sait. Et visiblement, elle est en train de charger un second tir. Bien plus puissant. Je peux pas essayer de la déconcentrer d'une quelconque manière Je peux essayer. Attends, moi, c'est combien de blessures? Ouais, je pourrais encore. Ouais, bon, allez, je vais sortir de ma cachette et je vais faire des grands mouvements, je sais pas, je vais agiter mon marteau. Ok, tu commences à agiter ton marteau dans sa direction. Tu vois, Eflux, soit tu jettes les bourgeons de brûlure qui malheureusement n'ont aucun effet sur elle. Elles semblent même pas y prendre la moindre intention. Mokosh, qu'est-ce que tu fais? Tu aperçois donc le bras de Toric gisant au sol, détaché du corps de son maître. Tandis que Jacquard commence à se diriger à la rescousse de son ami. Jacquard va à la rescousse de Toric? Oui. Et tente de faire diversion. Oui. Tandis que la créature charge de nouveau tir. Et il fait diversion ou il va aider Toric physiquement? Je fais diversion. Alors aider Toric. D'accord. Et je suis à quelle distance moi de Toric? Toi t'es un tout petit peu plus loin, donc en effet tu pourras pas y arriver avant, puisque tu trouves plus en contrebas au niveau de ce que je disais, cette espèce de sortie de tunnel caché où Lito est en train de confronter Abacus l'Elyséen. Abacus d'ailleurs tu remarques qu'il est torse nu et dont le corps semble... recouvert d'étranges formes géométriques. Mais tu n'as pas le temps de t'y attarder plus que ça. La situation est urgente, que fais-tu? Toric est trop loin pour que j'aille le chercher a priori, donc je me contente de gueuler dans le tunnel et en allant le plus vite possible dans le tunnel. Ok. Tu commences à diriger en direction du tunnel en gueulant dans le tunnel. À ce moment-là, toi, Jacquard, tu te précipites vers la créature. La créature se retourne instantanément de toi en te voyant t'avancer vers elle en agitant ton marteau. Est-ce que tu tentes même de lui asséner un coup? Je sais pas si c'est vraiment une bonne idée. Jacquard va exploser. Et direct. C'est à toi de voir. Non. Après, on a vu qu'on pouvait la toucher parce qu'il y a un anabaptiste qui l'a touché avec une... En effet, elle saigne. Oui, puis après, il a explosé. Oui, mais c'est parce qu'elle a mis la main vers elle, vers lui. S'il évite la main, ça va, je pense. C'est à Jacquard de voir. En effet. Ok, bon, tu me convaincs. J'y vais. Moi, je suis là. Moi, je peux parler quand même. Oui, tu peux parler. Tu vois, tu es complètement en situation de stress, de choc. Mon fusil. Prenez mon fusil. Tirez-lui dessus. Ok. Pendant ce temps-là, Eflux, toi, tu aperçois la silhouette qui descendait les escaliers de plus en plus proche. Il s'agit là de Fernex, le chasseur, son arme à la main, qui se dirige vers vous. Pendant ce temps-là, vas-y, fais-moi ton jet. Justement, donc je fais un jet de... le même que tout à l'heure quand je frappais... Ah oui, alors fais-moi un jet de body melee, s'il te plaît. Ok. Est-ce que je peux... dépenser tout ce qui d'égo. Combien je peux en mettre au maximum? 3 points d'égo maximum. Bah, je vais en mettre 3. Tu vas pas t'évanouir. Hein. Tu passes à 7 sur 10. Ok. Alors du coup, j'ai... Sachant que 3... t'as un malus de 2 de base, mais du coup, ça te fait un bonus de 1. Si on fait 2 moins 3... Donc logiquement, je jette 2 dés. Enfin, je jette... Alors pardon, théoriquement, en fait, t'as un malus de 2 parce que ton arme est pas facilement maniable. Mais du coup, là, t'as un bonus de 3 grâce au point d'égo dépensé. Et Hammer Blow, du coup, t'as vérifié ce que ça faisait? Oui, en effet, en fait, c'est simplement, normalement, tu devrais avoir un malus de 3 parce que le marteau est vraiment pas viable. Mais ça permet de diminuer de 1 le malus de ton marteau. Ok, donc du coup, ça fait... le malus de choc, pardon, parce que c'est autre chose, mais... Du coup, je lance 2 dés? Non, je sais plus. En plus, combien? Du coup, tu jettes 1 dé en plus que ton body melee. Ok. Ça fait... Que ton... Oui, c'est ton... Toric, t'es là, tu t'accroches avec ton dernier bras, ton bras droit. T'essayes de te surélever tandis que ton bras gauche gît à quelques mètres de toi. Si j'essaie de leur dire, genre... Tu vois le rayon se charger à proximité de ton corps. tirer. Bien joué. Avec des cartouches. Que Barguès possède une défense passive de 4. Une défense passive de 4. Mais un violent coup de marteau la retourne complètement et la fait tomber au sol. Vous voyez le corps de l'enfant qui est projeté à plusieurs mètres et qui tombe également au niveau des caisses à brûlure. Faut une négocier, là, tu fais combien de dégâts, tu m'as dit? Tu fais... Alors, attends. Alors, j'ai fait 4 réussites et 2 décrocheurs. Une fois ta force, dégâts. Donc 5, donc, 6, 7 alors... points de dégâts. Pour son armure. De 2, tu fais 5 dégâts, ok. Moins les 4 qu'elle avait déjà perdu. Ça lui fait 9 blessures. FX. Ah non, là, Flux, il doit faire un choix, là. Flux, soit il doit aller chercher le flingue de Thoric, soit il bute le gosse, vu qu'a priori, c'est lui qui est le plus proche du gosse. Moi, je pense buter le gosse, hein. Je sais pas. C'est horrible comme choix. Malheureusement, pour toi, malheureusement pour toi, Jacquard, tu as beau avoir blessé la créature, tu n'as fait que l'énerver encore plus. Elle lâche un cri horrible et se retourne en ta direction. Cette fois-ci, sa main est pointée vers toi. Je vais te demander un jet de body melee pour éviter son attaque. Mais, comme nous l'avions convenu précédemment, je vais t'imposer un malus de 2 dés à ce jet. Après tout, le tir a été relativement chargé, ce serait trop facile. Est-ce que si en attendant Flux il m'envoie des bourgeons, je peux les prendre? Si tu veux, tu peux commencer à ramasser les bourgeons, et à les inhaler. C'est visiblement la seule chose qui te reste à faire. Ça me choque. Je les prends. Ouais, mais ça peut me donner un boost. À peine les avoir inhalés, tu sens tout de suite ton corps commencer à stabiliser. Tu viens de nouveau de faire un pacte. Fais-moi un D6. Jette-moi un D6, s'il te plaît. Un D6? Ouais, s'il te plaît. Donne-moi le résultat. 6. Tu commences à emparer les bourgeons de brûlure et à les enchaîner les uns après les autres. Tu te sens tellement mieux, tu sens la douleur disparaître si rapidement que tu peux pas t'empêcher de tous les récupérer. Jacquard, le résultat de ton jet, s'il te plaît. Bah là, c'est désespéré. C'est ça ou je crève? De dégâts? Non, de mobilité. Avec un malus de 2 dés, étant donné que tu avais convenu avec moi que je pouvais t'en imposer un quand je le souhaite. Oui, désolé, j'avais... Y'a aucun souci. Alors... En fait, j'ai pas fait de réussite. Putain, mais non... J'avais donc dit que ce coup était chargé. Combien as-tu de points d'armure, Antoine? Pour en perdre 12 normalement. Jacquard, combien? 300. Tu devrais perdre le double des points de alors... dégâts. Moins. Alors, mon taux de cuir à mort valou 2. au moins 40. Au moins 40. Tu perds donc 10 points de vie. Tu en avais déjà perdu 5. Tu passes donc à 15 blessures. Un puissant projectile te frappe. T'es projeté plusieurs mètres au loin. Tu atterris au niveau de Mokosh. Mokosh, tu vois le corps de Jacquard projeté contre le mur. La moitié du corps découpé. La moitié de son visage est calciné. L'un de ses bras est disloqué. Et l'une de ses jambes n'est plus apparente. Ouch. Le sang coule à flot. Il semble avoir perdu connaissance. Jacquard, il ne te reste... que 2 points de vie. Et tu es désormais inconscient jusqu'à la fin de la partie. Tu peux me redécrire dans quel état il est physiquement? En fait, c'est littéralement comme s'il avait été coupé à ce niveau-là du corps. Donc il n'a plus de bras, plus de jambes et la moitié du visage est brûlée. Visiblement complètement calciné. C'est également probable qu'il ait perdu une oreille. Le pire. Moi j'en suis où avec mes bourgeons que j'ai bouffés là? De ton côté tu te sens tout de suite revigoré. Étonnamment alors que t'es pourtant avec un bras en moins, tu t'arrives à te relever et à te redresser sur toi-même. À ce moment-là, vous voyez Fernex qui s'approche de la bête et s'empare de l'un de ses colliers à miroir, tels que ceux qu'il vous avait donnés. Il la jette au sol et s'écrie vers toi, Elflux, « Faites de même !» Elflux s'empare de son collier en miroir et le jette au sol. Lorsque Bargas se retourne vers vous, il semble soudain happé par son propre reflet, comme si le fait de se voir lui rappelait sa propre condition. Oh putain, il suffisait qu'il se regarde. De mode et de Genesis. Vous n'avez que quelques secondes. Flux, qu'est-ce que tu fais? Thoric, qu'est-ce que tu fais? D'ici quelques secondes... Enfin, pardon. Fernex s'écrie. Nous n'avons que quelques secondes devant nous. Nous devons fuir vite. Je cours dans la direction de Jacquard et j'essaie de le prendre avec moi sous l'effet des bourgeons, je suis, et je cours dans le... T'es gravement blessé, mais les bourgeons de brûlure te donnent une espèce de force surhumaine, en tout cas t'as l'impression de l'avoir. Tu t'empares du corps, tu le joues. Et je vais dans le tunnel. Et tu commences à rentrer dans le tunnel. T'es suivi de près par Mokosh, j'imagine. Oui. Très bien. Pendant ce temps-là, Mokosh, Lito, ton maître... Mais Mokosh, il a rien dit. D'asséner un violent coup à celui d'Abacus, l'Élyséen, qui semble du coup être assommé, et vous suit au niveau du couloir. Pendant ce temps-là, Flux, qu'est-ce que tu fais? Je chope le bébé, et je les rejoins. Tu chopes le bébé? Oui, parce que si jamais on doit le tuer ou un truc comme ça... À ce moment-là, tu vois Farnex qui pose la main sur ton épaule et qui te dit « Mauvaise idée. Elle nous traquera jusqu'en enfer. » Même si non. Tu le déposes. T'as le droit de le garder, hein, y a pas de... Bah je le lâche. Ok, très bien. J'espère que ça va très bien. Et vous vous engouffrez également à l'intérieur du tunnel. Qui sait combien de temps vous allez marcher? Thoric, tu sens petit à petit tes forces qui recommencent à diminuer, ta tête qui s'éblouit. Toi, Flux, t'es la personne le plus en état parmi le groupe. Tu prends le devant. Mokosh aussi, t'es blessé. Finalement, tu te dis que ton dos bloqué et sans doute tes côtes cassées sont bien peu de choses face à l'état de Jacquard, complètement inconscient. Son chapeau est d'ailleurs resté derrière lui. Tu peux apercevoir de bien plus près les dégâts causés à son visage. Le crépitement, la chair calcinée, cette odeur de viande grillée. Vous marchez pendant des dizaines de minutes dans ce long couloir qui est visiblement relié le cloître à qui sait où. Au bout de quelques instants, vous entendrez au loin le hurlement de Bargest. Mais la créature est trop imposante pour pouvoir vous suivre à travers sous terre. Et après tout, elle a récupéré ce qu'elle voulait. Au bout d'un moment, se dessine enfin une silhouette. Quelques rayons de lumière qui filent trop loin. Une sortie. La seule sortie. Vous pressez le pas. Jacquard n'a pas beaucoup de temps à vivre. Encore. Alors que vous approchez de l'entrée lumineuse, vous arrivez dehors. Vous y voyez finalement pas tant que ça. Malheureusement, la nuit a complètement éventré la forêt. Ce chemin donnait donc dans la forêt. Mais vous reconnaissez cette parcelle de forêt? Et juste devant vous, vous apercevez le camp des Romanos. Vous y voyez le cadavre de ceux que vous aviez exécutés un peu plus tôt. Et visiblement, tous les autres semblent avoir déserté. Il n'y a pas un chat dans le camp. Pas un chat? Ce n'est pas tout à fait vrai. Vous entendez du bruit en provenance de la tente principale, comme si quelqu'un était en train de la fouiller. Vous vous approchez, mené par Flux. Et Flux, tu aperçois, à quelques mètres au-dessus du sol, un petit drone de la taille d'une paume et un masque de chroniqueur posé sur une table. En jetant un coup d'œil à l'intérieur, tu aperçois une silhouette encapuchonnée de dos, en train de fouiller les affaires des Romanos. Que faites-vous? Évidemment, je n'ai pas besoin de te préciser qu'il s'agit là du chroniqueur qui vous avait espionné. Tu as enfin réussi à mettre la main dessus. Oui. Ah, c'est juste de rester... Mis à part Flux, je pense qu'on est... que personne n'est en état de faire quoi que ce soit hier. Ouais, là, perso... c'est déjà de tenir debout. Perso, j'ai envie de rester dehors. Oui. Et juste, je m'avance vers lui. D'accord. Qui es-tu ? Tu t'approches vers lui. Au moment où tu lui parles, tu le sens qu'il sursaute d'un seul coup. Tu entends une espèce de petit rire sous-jacent. Mais ce n'est pas là, par exemple, le rire de quelqu'un qui te voudrait du mal ou de celui de quelqu'un qui t'aurait piégé. Plus le rire honteux de celui qui aurait baissé sa garde au pire moment. Dans ses mains se tient une espèce de grand disque en or. Il se retourne avant, alors vers toi. Et tu reconnais le visage derrière le masque, puisque ce dernier est posé à quelques mètres de toi. Oui, d'ailleurs, si je peux, je le ramasse. Bien sûr, tu le ramasses. L'homme qui est face à toi, le chroniqueur, ce fantôme qui arpentait la ville et dont personne ne savait rien, est en réalité Custus, le ferrailleur. Un léger sourire en coin. Il t'annonce ces quelques mots. Je n'ai visiblement failli à ma mission. Voilà ce que je vous propose. Chroniqueur, il te tend le disque. Tu aperçois le symbole de Géamétane inscrit dessus. Est-ce qu'il s'agit là du secret, d'un secret, d'un trésor de guerre anabaptiste qui aurait été enfermé dans le cloître et qu'il aurait récupéré? Dans tous les cas, il t'annonce ses derniers mots. Ma vie, mon identité contre ce disque. Que fais-tu? Je le regarde fixement pour appuyer un peu l'échange, pour m'essayer de réfléchir, mais quand même donner une position un peu dominante, tu vois, genre je veux pas le lâcher entre guillemets du regard, parce que genre le regard. je fais un petit aller-retour sur entre le disque et ça. Et le disque, est-ce que je peux avoir quelques détails sur vraiment à quoi il ressemble, genre. Pardon ? Ça a l'air d'une camelote, hein. Pardon. Le disque. Oui. Est-ce que ça a l'air vraiment d'un truc sérieux ou c'est genre de truc qui doit sortir ? Jette un rapide coup d'œil et... Il semble relativement en bon état. Ça a l'air d'être un vieil artefact, même très très vieux. Pourrait-il dater d'avant l'apocalypse ? Peut-être. En tout cas, il semble y avoir des inscriptions autour de lui. Et peut-être qu'est-il possible de le lire avec un système et un matériel adapté. Écoutez, je n'ai pas les moyens de vous mettre à mort et vous n'avez pas non plus les moyens de me capturer. Tout ce que je demande, c'est de m'oublier. J'espère pour toi qu'on se retrouvera jamais. Et je prends le disque. Je prends le disque. À ces mots, tu vois qu'il se dirige au niveau de l'un des parcelles de la tente, empoigne un couteau qui se trouvait posé sur une table, fend la toile d'un coup vif et sec, et disparaît. À travers. Et c'est là-dessus que nous allons pouvoir, entre gros guillemets, mettre fin à cette partie. Toutefois, je vous propose quelque chose. J'avais prévu... Après ces événements, un léger débrief qui se passerait quelques jours plus tard dans l'hôpital, enfin dans un hôpital des Alpes, où on pourrait retrouver certains de vos personnages à leur réveil, et également une intervention de la femme et, qui globalement nous permettrait de clore cette partie. Nous allons rapidement passer sur les événements qui vont suivre. Plusieurs d'entre vous sont gravement blessés. lorsque vous rencontrerez une escouade helvétique, ils vous conduiront assez rapidement jusqu'à leur forteresse. Et comme précisé juste avant, vous vous réveillerez quelques jours plus tard. Jacquard et Toric, vous vous trouvez dans des lits d'hôpital. Visiblement, vous vous trouvez dans un abri souterrain. Les murs sont très bien entretenus. Et vous vous trouvez dans des lits d'un modernisme frappant. Autour de vous sont posées plusieurs personnes, notamment Mokosh et Flux. Jacquard, tu constates avec effroi qu'une bonne partie de ton corps a été ravagée par la bête. De ton côté, Toric, tu constates également que ton bras gauche manque à l'appel. Devant vous se tiennent plusieurs personnes de l'Helvetica. Vous avez passé plusieurs jours dans le coma avant de vous réveiller. En attendant, plusieurs personnes se sont rendues à votre chevet. Il y a notamment le commissaire Prael qui a fait le déplacement depuis Justicienne. Écoutez les gars, je suis désolé pour tout. C'est moi qui vous ai indirectement mis dans cette merde. Je sais pas si j'aurais dû faire confiance à la femme. Elle-même m'a dit qu'elle ne savait pas ce qui allait se produire exactement. Dans tous les cas, nous avons besoin de réponses. Dites-nous tout ce que vous savez sur ce qui s'est passé récemment à Lucatore. Tout sans exception. Le meurtre d'Altaïr, qui était commandité par l'émissaire de fer. Sa propre femme ? Oui. Est-ce que vous en connaissez les raisons ? Malheureusement, non. On n'a pas eu le temps de pousser l'interrogatoire avec le meurtrier qui était un Romano. Malheureusement, la situation avec... Peut-être que la femme pourra nous apporter plus de réponses, mais j'ai peur que certains mystères soient enterrés avec Lucatore. Si vous n'êtes pas en courant, une grande partie de la ville a été dévastée. Les Helvetica sont actuellement en train de la reconstruire, mais a priori, c'est les Lombardies et les Benesato qui vont en hériter. Il se pourrait bien que le joug des Anabaptistes dans la région soit à son terme. D'ailleurs, Mokosh, désolé de vous l'annoncer, mais j'ai peur que cette nouvelle n'enchante pas vos amis de cathédrale. Oui, je m'en doute. Bien que semble-t-il, votre fureur appuie le fait que vous n'y êtes pour rien dans ce qui s'est passé et que vous n'auriez rien pu faire de plus. Savez-vous comment est morte Neva, l'émissaire de fer ? Nous avons retrouvé son corps en bas de la tour. Elle a chuté lors de l'effondrement. Ouais. D'accord. Bon, écoutez, je vous fais confiance. Vous avez intérêt, vous me devez une paire de jambes. Une jambe et un bras, en réalité. Pour être plus précis, pardon. On trouvera une solution, j'imagine que... des prothèses pourraient vous permettre de reprendre votre travail d'une certaine manière. Maintenant, il va sans doute falloir penser à passer derrière les bureaux plutôt que sur le front, mon ami. Nous n'y pouvons rien. La bête a réussi à s'enfuir. Une expédition sera chargée de la traquer. Nous espérons avoir de nouvelles de ces dernières dans les plus brefs délais. Nous avons aussi mis la main sur... ce traître de Lucio Bastardo. Mon ami Virus est actuellement en train de l'interroger. D'après ce que j'ai cru comprendre, il risque de finir ses jours en prison. Lui-même était de mèche avec Neva et savait exactement ce qui allait se passer et ce qui allait arriver à Altaïr. Tout ce que nous savons pour l'instant, c'est qu'ils l'ont fait assassiner par les Romanos en échange de la fortune du cloître. Des trophées de guerre qu'ils avaient récupérés durant la guerre contre les Jametan. Pour empêcher ce dernier de révéler quelque chose à Carmino Ferro, son médecin personnel. On pense que ça va pas avec la créature. Sans aucun doute. Et il y avait aussi l'histoire de bébé. De bébé. Ok, bref. Oui, la créature prenait un bébé. En tout bon. C'est étrange. Il ne me semble pas qu'il en ait fait quelconque mention. Et il me semble que le fils de Neva et d'Atahir est mort il y a de cela plusieurs années. J'en ferai référence à mes supérieurs, nous essaierons de mettre la lumière sur ce qui s'est passé exactement. J'aurai sans doute quelques questions supplémentaires à vous poser dans les prochains jours. Évidemment, le rapport qu'il va falloir écrire sera plus que conséquent. Excusez-moi. Oui. À l'écoute de tout ce que vous venez de dire et avec le recul aujourd'hui de par rapport à la situation, je pense à quelque chose. Peut-être, peut-être que c'est faux, mais qu'est-ce qui pourrait pousser une femme à tuer, à part pour sauver son enfant? Tu vois, Pry elle qui s'assoit un instant. Il remet ses lunettes en place. Pour rappel, ses lunettes au vert teinté de différentes couleurs. De ce que m'a expliqué Lito, par guest semblait excessivement intéressé par l'enfant. Il le prenait dans ses bras et tentait de s'échapper avec. D'ailleurs, il a finalement réussi. Est-ce qu'on pourrait partir du principe qu'il était là venu récupérer ce dernier ? C'est possible. Durant... Avec Mokosh et Feu Abby, nous avons déjà eu affaire à ce genre de situation. Et la mère a tout fait pour sauver son enfant. Alors c'est qu'elle, bien les paroles elle... que vous avez dit la femme en tout début, non ? Avant que vous ne faisiez votre voyage vers la Purgarée. Oui. Que ce que vous avez dit. Elle a dit que ce serait la même chose. Alors, au vu de tout ce qui se passe et de recul, maintenant, je n'ose. Je pense que il est fort probable que Altaïr avait découvert que cet enfant était peut-être atteint de. C'était un aberrant. Voilà, et qu'il était destiné à aller avec Burgess. Auquel cas, l'émissaire de fer l'aurait fait passer pour mort. Et lorsqu'Altaïr aurait tenté d'avertir Carmino Ferro de ce qui s'était passé, elle l'aurait éliminé. C'est fort probable. Pendant que Burgess, lui, revenait récupérer celui qui lui considérait comme étant son protégé. La seule chose qui nous manque, c'est pourquoi Burgess était aussi intéressé par le gosse. C'était juste un autre. Il me semble, si je ne dis pas de bêtises, que les homodés de Genesis ont cette capacité à communiquer de par les chakras terrestres. Peut-être aura-t-il entendu les signes et les cris de l'enfant. De vu la taille de la nuée qui a ravagé la ville. Cela faisait sans doute un petit moment qu'il était dans les environs, qu'il l'attendait, tapis dans l'ombre, le bon moment pour frapper. Ouais. Disons que, pour l'instant, je pense que les choses vont s'améliorer, mais il va falloir que très vite on s'attendre à ce que les choses empirent. Oui. D'ailleurs, en parlant de ça, même si la crise qui vient d'avoir lieu en Purgarée, d'ailleurs, désolé encore de vous y avoir envoyé, nous n'avions pas réalisé le danger qui vous guettait, était bien dévastatrice. Il faut que je vous apprenne que la Borka n'en est pas en reste. Plusieurs gros conflits ont éclaté. Malheureusement, le protectorat a été mis à mal par les clans. et nous allons avoir besoin de mener cette guerre une bonne fois pour toutes. Justicienne est sauve ? Justicienne est sauve pour le moment. Nous avons perdu plusieurs avant-postes et la taille du protectorat a très fortement diminué, notamment au niveau de l'Est. Mais nous aurons toute l'occasion d'en parler plus tard. Si vous le souhaitez, malgré votre état, je pourrais vous proposer de rencontrer la femme à nouveau. Disons dans la soirée, si cela vous va. Elle a fait le voyage avec moi, mais actuellement elle est en train de réfléchir. Écoutez, la journée passe, en soi il ne se passe pas grand chose. Vous avez l'impression d'avoir d'être passé à travers une catastrophe qui aurait tout englouti sur son passage. Une catastrophe si violente et démesurée que personne n'aurait pu faire quoi que ce soit. Enfin, qui sait. Dans tous les cas, des médecins vont s'occuper de vous malgré ce que l'on pourrait leur reprocher. Les Helvétiques sont plutôt bien équipés. Et vous êtes désormais unis, ils sont responsables de vous. C'est vous qui les avez appelés et vous en serez sans doute récompensés. Plusieurs vies ont été sauvées du coup grâce à vous. Malheureusement, la ville, elle, a été complètement submergée par les flammes et par les flots d'insectes qui l'ont envahie. De nombreuses personnes sont mortes et ont été consumées. Marguez, de son côté, s'est enfui. Qui sait si un jour quelqu'un retrouvera sa trace. Il a désormais chamboulé. Le soir même, vous allez vous rediriger au niveau du camp de la femme. De ton côté, Jacquard, tu es obligé d'être transporté dans une espèce de fauteuil roulant. Finalement, ce qui t'a sauvé est que la puissance du coup qui t'a été portée était si destructeur que la plaie a aussitôt cautérisé. Dans le cas contraire, tu te serais instantanément vidé de ton sang et tu n'aurais eu que quelques minutes à vivre. Malgré tout, évidemment, ton état est loin d'être agréable. Et vous arrivez au niveau de ce petit camp. Vous venez de traverser la frontière. Vous étiez dans la forteresse alpine. Et vous vous trouvez actuellement tout au sud de la Borka. Vous êtes conduit par le commissaire Pryl jusqu'à l'entrée. Et vous y redécouvrez le même type de camp que celui où vous étiez allé. Il y a plusieurs mois. On vous confisque à nouveau votre équipement, en tout cas vos armes à l'entrée, et on vous laisse rentrer à l'intérieur de ce dernier. Vous y croisez de nouveau des corneilles apocalyptiques en train de faire des divinations. Cette même... Anubienne. En train d'essayer de... s'adonner à différents rites. Vous y croisez des djamétanes en train d'ouvrir des corps de chèvres et prédire l'avenir. Il regarde Mokoj un air mauvais. Je rends les airs mauvais. Et vous rentrez à l'intérieur de la tente principale où vous attend la femme. Alors que vous arrivez, elle fait sortir toutes les personnes qui se trouvaient avant vous, à l'intérieur de la tente. Vous accompagnez donc cette petite odeur, cette odeur d'encens et ces toiles pour vous asseoir au coin d'un feu. Vous voyez cette espèce de système de cheminée étrange qui a été conçu. Visiblement, la femme a tous les moyens qu'elle veut à sa disposition. Elle est là, elle se tient devant vous. Vous auriez du mal à définir son âge. Son visage est plongé dans les ténèbres. Vous vous mettez à proximité d'elle. Que dites-vous ? Et que faites-vous ? Bonne question. Alors, vous avez ma jambe ? Cela va faire bien longtemps que nous ne nous sommes pas vus. En effet. Comme je vous l'avais dit, le danger guettait la ville. Visiblement, vous n'avez pas été assez efficace. Non, vous croyez ? Mais vous vous en êtes sorti vivant et c'est déjà impressionnant. Je suis désolé pour ce qui vous est arrivé. Nous essaierons de trouver une solution pour vous accompagner au mieux dans le futur. C'est le moindre que ce que vous pouviez faire. Malheureusement, non. Plus le temps passe, plus mes visions deviennent claires, mais fut un temps où j'avais du mal à exactement déterminer ce qui allait se passer. Malheureusement, l'emprise de Margest sur la ville rendait le tout si flou, si sombre, si approximatif. Tout ce que je savais, c'est que d'une certaine manière, ce qui allait arriver était lié à ce que vous aviez déjà vécu. Pas dans le sens où les éléments étaient entraînés par ceux que vous aviez vécu, mais cette espèce de schéma qui se répète. C'est ce qu'on a déduit. Effectivement. Un enfant maudit. Et une créature venant le chercher. C'est exactement ce qui a causé la perte d'Abby. Oui. Et ce qui a failli nous causer notre propre perte. Avez-vous eu cette vision ? J'imagine que vous devez être là de... ainsi vous sacrifier pour les autres. Malgré tout, j'aurais quand même une dernière chose à vous demander dans le futur. Nous aurons le temps de réfléchir et de négocier différents termes de notre contrat, si nous pouvons parler ainsi. Afflux, vous travaillez déjà pour moi. Jacquard, vous n'étiez là qu'un intendant. Malheureusement, la situation fait que nous ne pouvons pas nous permettre de vous simplement vous jeter en échange d'une certaine somme de lettres de change. Nous sommes responsables de vous désormais et nous allons devoir faire en sorte que vous puissiez vous adapter à votre nouvelle vie. Truc, je déplore ce qui est arrivé à votre bras, mais vous vous en sortirez, vous êtes fort. Et de tous les cas, vous faites ça par humanisme. Quant à vous, Mokoche, il me semble que ce qui vous intéresse est bien différent. D'ailleurs, j'aurais une question à vous poser. Si nous pourrions être amenés dans le futur, un futur proche, à communiquer avec Abby, en tout cas avec son esprit planant au-dessus de nous, y a-t-il une question que vous aimeriez lui poser ? Non. Vous êtes sûr ? Ne croyez-vous pas en mes talents ? Nous pourrions presque même établir toute une discussion entière. Non, je veux juste me lever et partir. Ok. Tu te lèves et tu pars. Vous autres, vous voyez la femme qui semble là, dépitée face à ce qui est en train d'arriver. Elle s'attendait visiblement à ce que Mokoche cède à ses avances. Presque même à ce qu'elle la supplie d'obtenir une nouvelle lettre. Elle pensait que elle possédait le pouvoir ultime pour la contrôler, mais non. Qu'est-ce que vous faites, vous autres ? Tandis que Mokoche s'éloigne et quitte la pièce. Et qui va pousser mon fauteuil ? Non, bof, pareil aussi. Il me semble que Efflux vous a posé une question et vous n'avez pas répondu. Qui est-il ? J'ai tout simplement demandé si, entre-temps, vous avez eu d'autres visions. Non, mais je pourrais avoir de futures missions à vous donner par le... dans le futur. Je vous rappelle que vous êtes tout de même à mon service. Vous travaillez pour moi. Vous n'allez pas prendre la bouche comme ça juste parce que lui, il est parti. vois qu'elles sont désormais bien plus irritables que dorénavant, où elles semblaient presque trop gentilles pour être vraies. L'un d'entre vous souhaite-t-il faire une autre chose? Il me semble que Lekar avait demandé à sortir également. Est-ce que l'un d'entre vous tente de l'escorter en direction de la sortie? Quel est votre objectif, votre but à faire tout cela? En quoi faites-vous? Eh bien, si je m'y étais mieux pris, nous aurions pu éviter tout ce qui s'est passé. Nous aurions sauvé des centaines et des milliers de vies innocentes. Heureusement, disons que le pire a été évité. Mais la traque ne fait que commencer pour moi. Maintenant, cette mission est désormais terminée pour vous et j'espère bien que vous pourrez accomplir d'autres tâches à mon compte dans le futur. Il suffira de convaincre votre ami, à moins que vous ne désiriez la rejoindre. Écoutez, je pense que il s'est passé beaucoup de choses en très peu de temps, entre la perte de notre ami et cette mission éprouvante que nous venons de passer. Mokosh a besoin de temps pour digérer tout ça, a besoin de temps pour réfléchir à tout cela. Donc, pour l'instant, laissez-la digérer. Laissez-la se reconstruire quelque part. Mais nous n'avons pas le temps. Nous ne pouvons pas nous préoccuper. Je lui offre la chance ultime. Savez-vous combien de personnes au monde seraient prêtes à tuer pour avoir cette chance? Parler avec les défunts? Écoutez, si vous voulez, je peux me faire garant de porter le groupe. Vous laissez quelques jours, voire une semaine à l'Anabaptiste, et je reste avec eux pour faire votre missionnaire. Au bout d'une semaine, je reviens. Et normalement avec eux. C'est d'accord, nous reparlerons. Et là-dessus, vous relevez, vous récupérez le fauteuil de Jacquard et vous rejoignez Mokosh dehors. Vous quitterez le camp. Et c'est sur vos quatre silhouettes, absorbées par les ténèbres de la nuit, que nous allons terminer cette session.